Cette semaine, on m'a du plan de show. Dans Virgin Television, Internet dépassera la télé pour devenir le plus grand média publicitaire en 2018. Moi, je trouve que c'est le plus grand média publicitaire, c'est le journal La Presse. C'est difficile à manipuler tellement c'est grand. Dans le segment Geek CNX, avec Kixol, le smartphone se contrôle avec les pieds. J'ai hâte de pouvoir contrôler mes pieds avec mon smartphone, ça va être pas mal moins forçant. Et dans Merci Science, la lumière bleue des écrans dérègle les cycles veille-sommeil biologique. Et voici celui qui dérègle les cycles radiophoniques, Mathieu Plante! Ah, j'ai beau tousser avant d'allumer le micro, mais non, faut tout le temps tousser en ondes. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 14 décembre 2015, c'est la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologies et médecine, merci science, le segment Geek CNX. Et bien autre chose, dans quelques instants sera la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Mais pour commencer l'émission, comme toujours, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et on commence par un réarrangement, version Noël d'une pièce de Final Fantasy VIII, Fisherman's Horizon, de la part de OC Remix. Évidemment, qu'est-ce qui fait qu'une chanson est une chanson de Noël? C'est difficile à décrire en mots, mais je pense que cette pièce-là est assez représentatif de qu'est-ce que ça donne une fois qu'on change les instruments pour faire musique de Noël. Donc, Final Fantasy Fisherman's Horizon Christmas Version, tout de suite, au Mathieu Planche. Thank you. Fisherman's Horizon de Final Fantasy VIII par quelqu'un sur aussi remix.org. Pièce bien connue par les fans de Final Fantasy. C'est Nam, en fait, l'artiste qui est derrière ce remake, qui s'éloigne pas trop de la version d'origine, avec un petit peu de piano électrique léger, des cordes, hein, des mélodies douces, guitare acoustique pour aider à créer un cover relaxant. Voilà. C'est au Mathieu Plancheau et maintenant c'est Samuel Girard que j'accueille. Voici The Gamer à un autre. Discours épique! Samuel Girard, bonjour. Hey, bonjour. Je voulais de quoi être vraiment d'épique là, ah, pour épique. Ouais, ouais. La dernière de l'année. Je sais pas si ça existe du Epic Chiptune. Ça serait à chercher, ça. Ouais, hein? Ouais, je me demande. Peut-être que ça existe. Peut-être, on va voir. Oh. T'étais en train de faire une recherche live là. Ben, ça dit The most epic chiptune I've ever heard. J'ai juste de la gauche, moi, en ce moment. Est-ce que de la droite? Non, mais j'ai ça les deux bords. Épique. J'attends encore le côté épique là-dedans. Là. Ah, j'avoue! Ouais, c'est fait. Ça a du potentiel. Ouais. J'ai clairement juste de la gauche de mon côté. En tout cas, bref! Salut Samuel, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, good. La chanson thème de te demander c'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est en fait, je te dirais, si je te dis un des meilleurs jeux de l'année, c'est la chanson thème. Un des meilleurs jeux de l'année. Ouais. Je joue pas au même jeu que toi du tout. Hein. Ben, j'ai pas joué non plus. Je joue pas au jeu récent. aide-moi, je sais pas. Fallout 4. Comment? Fallout 4. Oui, excuse-moi, on a pas la même prononciation. Ok, tu dis quoi, toi? Fallout 4. Fallout 4. Ok, en tout cas. C'est proche. C'est bon, en fait, c'est simple, parce que je vais terminer ma chronique avec les meilleurs jeux de l'année. Ok. Histoire qu'on... Une liste. Ouais, ben c'est ça, on parlera pas de trucs rétro. Quoique, je vais trouver le moyen d'en parler. Ben, c'est ça. T'as une spécialité, mais ça veut pas dire que tu fais juste ça. Ah, c'est ça, exactement. Oui. Et justement, parlant de choses qui ne sont pas mes spécialités, ben, comme premier sujet, on va parler de Twitch. Twitch, la chaîne de... Ben, Internet, où les gens regardent d'autres gens jouer. Exactement. Donc, Twitch.tv, que vous pouvez trouver facilement sur les internets. Choisissez votre Internet préféré. C'est ça. Il est dessus pas mal, ça. Donc, en fait, c'est nouveau. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'ils passaient du temps sur Twitch pour... vraiment pour aller regarder d'autres gens jouer à des jeux vidéo. Mm-hmm. J'étais un peu sceptique au début. Jusqu'à temps que je comprenne qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et si je suis pas celui qui va regarder les autres jouer, ben en fait, je peux moi diffuser. Ouais. Oh. C'est vrai, ça, tu diffuses. Ouais, j'ai vu que tu diffusais sur YouTube. Je savais pas que tu faisais du Twitch aussi. Ben, j'ai pas encore commencé parce que j'ai pas une machine assez performante pour ça. Voilà. Donc, le problème, il est là. Par contre, je vais éventuellement me greffer de ce qu'il me faut pour être capable de diffuser ce que je fais en ligne. Et ça commence à... En fait, la demande commence à être là parce que chaque fois que j'essaye un jeu vidéo rétro, il y a tout quelqu'un qui me dit « Ouais, mais pourquoi qu'on peut pas te regarder jouer? Ouais. » Donc, c'est en train de me dire, ben, peut-être que je pourrais juste... Tu sais, quand je m'installe un après-midi, je joue à des jeux vidéo, pourquoi est-ce que tant qu'à y être, je le mets pas Qu'est-ce disponible? Qu'il te manque comme équipement? Il te manque une carte de capture vidéo? Carte de capture vidéo, un ordinateur performant, ouais. Un ordinateur qui chauffe pas juste en ouvrant la page Facebook. Okay. ben, tu veux dire comme celui du studio où je fais juste ouvrir la page de YouTube.com puis ça fait craquer ton ouais, ta chanson exactement. Thème exactement. Exemple, c'est ça, mais mon portable fait à peu près la même chose. Ok. Donc, je me dis que ce serait pas bien pour diffuser des jeux vidéo d'une certaine qualité sur Internet. Tant qu'à le faire, tu vas le faire HD. Hein. Ben, c'est ça. Ben oui. Ben, hey, voyons donc. Je fais pas les choses à moitié, moi. Ben, je sais bien. Ben, c'est ça. Tu fais 4-5 émissions en même temps. Ben, hey! Tu sais, tu prends pas ça à légère. Oh les gens, les commentaires qu'on a, c'est « Mais oui, encore Samuel Girard! » Ah, c'est des reprises de toutes les émissions. Je l'ai reçu encore en fin de semaine. Ouais. J'ai reçu un autre message. C'était encore toi en onge. Je dis, oui, ça a été les reprises. Là. Je pense que le dimanche, c'est les reprises du palmarès, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, ouais. Donc c'était encore moi. Samedi après-midi, ta reprise de Génial Liberté. Génial Liberté, samedi matin. C'est ça. S'il y a eu des reprises des meilleurs moments d'assemblage requis, j'ai dû repasser un autre coup. Ça a l'air qu'on m'a entendu vendredi matin. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et ça rejoue samedi après-midi aussi, le c'est même ça. Meilleur moment. Donc voilà, donc là aussi, le dimanche et palmarès. Bref, ça a fait beaucoup, là. Mais profitez-en, les gens ici sont pas là pour l'éternité, à part moi, ça. L'équipe permanente, Danny, Alain. Bon. Ouais, c'est ça. Les autres. Les real. Profitez-en, les OGs. Oh! Donc, c'est ça. Mais là, je commence à me familiariser un petit peu. J'essaie de regarder des vidéos tutoriels sur comment faire le meilleur setup possible. Viens bien placer mes affaires pour faire une bonne diffusion. Évidemment, quand ça va être fait, je vais commencer à mettre le lien disponible pour évidemment que les gens puissent aller voir ça. Mmh. Et évidemment, je vais prendre les demandes spéciales de « Ah, essaye tel jeu. » Ouais. Puis je vais jouer. Donc, c'est le genre de choses que je veux faire éventuellement au cours des prochains mois. Cool. Pendant les vacances, profite-en. Moi, non, mais ça me prend le budget pour tout m'équiper, là. Donc, c'est peut-être un problème un petit plus long terme. Fais ta liste de cadeaux avec que des affaires de Twitch Gaming. Ouais, c'est ça, exactement. Wow. C'est ça, et je me suis promené pour regarder un petit peu quel genre de contenu était disponible. Il y a du contenu insignifiant, comme dans tout. Allez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos insignifiantes. Toujours. Ça va avec. Par contre, il y a des gens qui ont le don de se créer une chaîne que c'est vraiment une émission à part entière. Ils vont rajouter toutes sortes de contenus, ils vont rendre ça interactif, ils vont nous garocher un paquet d'informations, le gameplay va être intéressant, ça va être en HD, on va voir la personne, il va créer des concours avec les gens, puis c'est vraiment incroyable. Des fois, ils ont tellement d'argent, ils se bâtissent un petit plateau de télévision, si exactement, on veut. Exactement, ouais. Il y en a qui c'est vraiment, quand vous savez chercher, là, c'est incroyable. Ouais. Il y en a aussi, et ça, j'adore voir ça, dans le titre, ils vont indiquer clairement World Record Attempt, donc une tentative de battre un record du monde dans un jeu. Ouais. Et ça, c'est pas homologué, c'est un record personnel qu'ils veulent battre. Hein? Non. Homologué par le Guinness World Book of World Records. Oui, quand tu le réussis officiellement sur Twitch. OK. OK, après ça, il y a des gens qui peuvent revérifier si vraiment t'as tapé au bon moment pour le temps, tout ça. Et c'est officiel. C'est sur Twitch que tu rends ça officiel. J'aurais jamais pensé. Et c'est ça. Et ceux qui sont très bon sur Twitch, c'est les mêmes qu'on voit se faire inviter au Awesome Games Done Quick et au Summer Games Done Quick. Ouais. Awesome Games Done Quick qui ramasse des fonds pour les fondations pour le cancer et Summer Games Done Quick qui ramasse des fonds pour les Médecins Sans Frontières. Ouais. Donc, toutes des bonnes causes. Absolument. Donc, quand que vous encouragez des joueurs Twitch comme ça à développer leur talent, eh bien, souvent, ça rapporte en bout de ligne. Mmh. Donc, c'est ça. Et Twitch fonctionne par don. Vous aimez quelqu'un, vous pouvez faire un don. Ouais. Vous pouvez suivre cette personne-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de la manière que c'est fait. J'aime vraiment ça. S'acheter d'autres équipements encore plus performants, peut-être avec le temps aussi. Là. C'est ça. C'est sûr que ça va s'améliorer. Plus tu deviens plus populaire, plus t'es meilleur, plus t'es populaire, etc. Exactement. Le côté plate que je trouve, c'est qu'il y en a qui sont juste là par show-off. Oui. OK, je donne un exemple. Vous arrivez sur un compte Twitch et tout ce que vous voyez, c'est une fille décolletée très prononcée, toujours penchée par en avant pendant qu'elle joue. Elle joue pas vraiment à son jeu ou elle a aucun talent, mais juste là pour se montrer. Mais ça, c'est une minorité. Oui, mais... Il y a des vrais girl gamers là-dessus. Il y en a des vrais. Comme il y en a une que j'ai trouvée, son channel est formidable. Puis c'est un mélange de tout. Donc son nom, c'est Kylie Jean. Ouais. Facile à trouver sur Twitch. Je pense même qu'elle est dans les hauts placés de Twitch en Europe. Faudrait que je revérifie un petit peu plus. Mais elle, premièrement, très jolie. C'est vraiment pas désagréable à regarder de un. Donc, il y a ce côté-là. En plus, elle sait gamer. Elle connaît ça très bien. En plus de ça, c'est une chanteuse. Elle a déjà fait aussi des voix pour des animes. Okay. Donc, elle est vraiment dans ce milieu-là. Elle court aussi les conventions d'animes. Donc, c'est très complet. Et son channel, ça fait quelques fois que je vais regarder. Et c'est vraiment, mais vraiment bon. Ouais. Elle a vraiment le don de... Elle s'est montée vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, c'est ça, comme tu dis, c'est une minorité. Malheureusement, ça fait en sorte que ça attire beaucoup de monde. Oui. Des fois, ce côté-là. C'est le côté plate. Est-ce qu'il y a beaucoup de ça dans le palmarès? Dans le palmarès de Twitch? J'imagine qu'il y a un palmarès. J'imagine. Ou sinon, je pense que c'est Steph, ma co-animatrice à Génial Liberté, qui a vérifié sur Internet la liste des Gamer Girls les plus regardées. Ouais. Et c'est tout... c'est pas leur talent qui est rendu dans la liste. C'est ça. Comment dire? C'est leurs atouts. Leur talent au pluriel, mettons. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être un côté plus plate, et là, j'ai donné l'exemple pour les films, il y a des gars qui font la même chose, là. Ouais. C'est pas généralisé à un sexe seulement, là, on s'entend. C'est peut-être moins répandu chez les gars, mais... Ben, c'est ça, c'est rare qu'un gars en chess va pogner sur Twitch, là. Ça arrive. C'est juste ça de même, mais en tout cas, ça peut être le même principe quand même. Ouais. Bon, mais quand même, en général, je trouve que Twitch est très bien fait, et quand vous savez faire vos recherches, c'est parfait. Puis moi, souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que, mettons, je suis tranquille chez nous, ben, je branche ça, puis je me promène, je laisse aller le streaming, puis je fais d'autres choses en même temps. Oui. Puis quand tu as beaucoup de bandes passantes, c'est correct. Oui, c'est ça. Mais ça en prend pas tant que ça. Non. Non, parce que Twitch, c'est comme YouTube. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur YouTube, oui, ça prend de la bande passante, mais je veux dire, tu pètes pas ta bande passante en une journée sur YouTube. Là. Pas sur une journée. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais. Donc, Twitch, c'est le même principe. Ouais. Ça brûle pas ta bande passante comme ça se peut pas. Là. Tu t'en sors bien d'habitude. Donc, c'est ça pour Twitch. Prochain sujet. le Nintendo NX ou oui. N-Cross, dépendant de... Ah, t'as déjà... Il y a déjà un surnom, le N-Cross. Ben non, mais c'est parce qu'on sait pas si c'est un X ou si c'est juste une croix penchée. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ouais. ça, c'est juste ouais, ça. Ouais. Fait qu'il y en a qui disent... Il y a la personne Nintendo NX, il y en a qui disent que c'est Nintendo N-Cross. C'est ou, la N plus... Ouais, c'est ça. En tout cas, je vais dire Nintendo NX. Je trouve ça plus beau. Nix, c'est beau, Nix. Ouh. Oui. Donc, c'est ça, c'est le prochain produit de Nintendo. Prochain nom de code pour le prochain potentiel produit de Nintendo. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on parlait de la Nintendo Dolphin aussi à l'époque, et puis on parlait de la Nintendo Revolution. Est-ce que c'est sorti sous ces noms-là? Absolument pas. Exactement. C'est dans la GameCube et la Wii. Là, ouais, je vois ce que tu veux dire. NX, ce sera pas le nom que... Tu vas pas aller en magasin demander « Hey, je peux-tu réserver la Nintendo NX? » C'est ça. Ouais. Donc, je vous ai, en fait, présenté... je vous amène qu'est-ce que les rumeurs... Oui, les fuites. C'est ça. Provoquées. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on pense connaître? Qu'est-ce qu'on sait, en fait? Donc, prenez ça pour du peut-être que. C'est ça. Ça peut changer à tout moment. Uh-huh. Donc... le but de Nintendo, c'est de faire quelque chose de complètement différent de la Wii et de la Wii U. Oui, parce que là, on s'entend que depuis que la Wii U est sortie, les gens disent, pensaient que c'était juste la Wii 2. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils l'achetaient pas. T'sais. Ben, exactement. Ça. Ça a été un flop. Ouais. Donc, c'est ça, remonter la pente après le faible 10 millions de ventes de la Wii U. Il y en a qui vont dire, 10 millions. Ouais, c'est bien, mais... Si on compare à d'autres consoles Nintendo, c'est vraiment médiocre. Aux autres générations, exactement. Et c'est ça. Et à la génération de la même époque. Chez les autres compagnies. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que honnêtement, là, PlayStation 4 et Xbox One sont en train d'écraser littéralement c'est clair. Nintendo avec leur produit actuel. La manette, la fuite qu'il y a eu, c'est que ce sera une hybride entre une manette de GameCube et la manette de la Wii U. GameCube qui était la meilleure manette. Exactement. De donc on aura encore les fameux deux joysticks. Ouais. Donc ramener ce concept-là, quelque chose de plus petit qui se tient bien, mais de garder le touchscreen au milieu. Ouais. Donc l'écran tactile. Y en a qui disent que c'est affreux comme concept, alors qu'il y en a d'autres qui disent que ça peut amener vraiment un potentiel unique qu'il y a juste Nintendo qui va avoir. Faut leur faire confiance, Nintendo. Je pense qu'ils sont assez forts pour trouver des idées qui marchent. C'est pas parce que la Wii U se vend pas que c'est pas un succès d'estime. C'est exactement. Mais c'est ça, exactement. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont fous de la Wii U. C'est ça. Faut pas leur enlever. La Nintendo NX ne fonctionnera pas avec Android. Uh-huh. Donc là, je suis pas assez connaisseur. Est-ce que c'était Android qui fonctionnait sur la Wii et la Wii U? J'en ai aucune idée pour vrai. C'est pas public, tu le vois pas dans le sens. Ouais, que mais c'est ça. Donc en tout cas, ils vont changer le système d'exploitation. Ok, parfait. J'ai bien compris. Ben tant mieux parce que c'était lent. Ouais. Ouais, c'est ça. Le premier jeu qu'on pourrait avoir sur la Nintendo NX serait Dragon Quest 11. Ah. Je savais pas qu'il était rendu à 11. Non, c'est ça. C'est moi le premier remarque que j'ai faite, c'est ça. Ah, ils sont rendus à 11. C'est-tu 2 avec 2 i? Non, c'est un 11. Non, c'est XI. tu parlais tantôt des précommandes. Oui. Mais c'est déjà débuté. OK. OK. Ouais, ben ouais. Les magasins, en tant que tel. Les magasins prennent déjà des précommandes. Essayez pas ça en temps des fêtes. Ici, en Amérique du Nord, je pense que c'est plus au Japon. Ouais. OK. C'est déjà commencé. Pour quelque chose réservé. Qui n'existe pas vraiment. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais comme les gens faisaient la file bien avant l'annonce du iPhone, du plus récent iPhone, mettons. Belle comparaison. Ouais, c'est hein? L'obsession, c'est de l'obsession. C'est ça. Oh, désolé pour les fans de iPhone. Ah, ben oui. Nintendo va continuer de supporter la Wii et la Wii U, même après la sortie de la Nintendo NX. Tu peux encore acheter des Nintendo DS de genre 2000, mais 2007. Oui, c'est ça. Pour vrai. Fait que, la durée de vie des consoles est faite pour être entretenue, être prise par des enfants, entre autres. Donc, c'est fait super solide. Puis Nintendo a pas le choix de prendre ça en considération, sinon les parents vont chialer que leur investissement n'est pas à long terme. Exactement. Non, mais tant que t'as encore une clientèle qui utilise les consoles, c'est encore payant d'entretenir ces consoles-là. Et ça va devenir rétro. La Wii est presque déjà rendue rétro. Ouais, pour l'instant, GameCube vient de rentrer dans la catégorie rétro. OK, OK. Donc, éventuellement. Mais oui, à chaque fois qu'une nouvelle génération qui sort... C'est deux générations après. On a une génération qui embarque dans rétro. C'est ça. Moi, j'aime pas ça. Okay. Honnêtement, j'aimerais vraiment ça qu'on départe. En fait, moi, c'est surtout quand on passe de cassette à CD. Mm-hmm. Mais par contre, le Sega Saturn, Sega Dreamcast et PlayStation 1, je les accepte dans rétro dans ma définition. Okay. Mais pour moi, GameCube, c'est pas rétro. Ouais. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est considéré comme... Mm. En tout cas, mais ça, c'est point de vue personnel. C'est comme le débat de est-ce que plutôt t'es une planète ou non. Ah! Oui, même débat. Ça provoque les mêmes... Ouais, c'est exactement. C'est ça provoque les mêmes chicanes. Voilà. Oh! Ah. Le prochain de Legend of Zelda qu'on avait promis sur la Wii U, en fait, ils ont manqué le E3 2015. Ils n'ont rien présenté du jeu. Mm. Ce que ça laisse présager, je peux dire ça comme ça, ouais. C'est que ça va carrément pas sortir à la Wii U et on le garderait pour Nintendo NX. Peut-être, hein. Ouais. Ça reste loin. Ça resterait loin. Sauf que vu que le E3, il est juste à chaque année, ouais, à chaque est-ce que ça voudrait dire que The Legend of Zelda sortirait sans avoir été présenté à un E3? Tu penses donc d'ici l'été prochain 2016? Ouais. Peut-être qu'il devrait attendre juste après l'été 2016, peut-être à l'automne, pour la période des fêtes, tout ça, de l'année prochaine. Mais c'est ça. Ouais. Mais là, tu comprends-tu, là? Ouais. C'est ça que je trouve un peu particulier. Uh-huh. Parce que là, ça veut dire, voyons, il y a tout qui marche pas dans la manière que Nintendo a géré le prochain The Legend of Zelda. Ouais. Et je trouve ça dommage parce qu'il y en a qui ont acheté une Wii U uniquement pour le jeu The Legend of Zelda. Ouais. Et moi, je leur ai dit, ben, à date, il est annoncé sur Wii U. Mm-hmm. Parce que les gens me contactaient pour me poser cette question-là. Et selon les informations que j'avais, il sortait au Wii U. Il allait s'appeler The Legend of Zelda Wii U. Ouais. Et là, je suis obligé de leur dire, ben, finalement, c'est plus tant ça. Malheureusement c'est pour vous autres. C'est toi qui la job leur brisé le cœur. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Je trouve ça triste un peu. Et en plus de ça, ben, en fait, plutôt qu'est-ce que j'aimerais, moi, c'est de dire, ben, d'abord, sortez-le à la fin de la vie de la Wii U. Ouais, exact. Et sortez-le au début de la vie de la NX. Comme il y a beaucoup de jeux sur PlayStation et Xbox qui font ça, ils ouais. sortent aux deux. C'est juste... deux fois plus de job, mais deux fois plus d'argent, et plus même. Ouais, mais c'est pas reste pour les fans. Ouais, ouais, ouais. Les ouais, fans ouais. qui ont acheté une Wii U en sachant la liste de jeux qui avait été promis cette console-là, ben pour eux autres, même si le jeu a des moins bons graphiques ou a quelques contenus de moins, ben au moins tu sors quelque chose pour ces gens-là. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, moi je suis le genre de gamer qui va vendre sa Wii U pour acheter la prochaine, t'sais. Vends pas ta Wii U? J'ai fait la même erreur avec la Wii. C'est ça l'affaire. J'ai fait l'erreur de vendre ma ouais, Wii. Moi, c'est peut-être Wii mon côté collectionneur qui me fait dire ça. Non, je te comprends, mais tu sais, je pense que de nos jours, il y a tellement de sortes de consoles et de produits que s'il fallait que je garde chacun de mes iPhones, chacun de mes Macs, ouais, j'avoue. Ça coûte vraiment cher. Mais là, ça, mes cellulaires, par exemple, je suis d'accord, pas de besoin de les garder. Non, là. Ben ça apporte rien. Ça. Non. C'est cool. Ouais. C'est cool, là, juste l'effet d'être collectionneur, de collectionner quelque chose. Moi, tant qu'à pas pouvoir collectionner toute l'entièreté de tous les jeux vidéo qui ont jamais sorti à vie, j'essaierai même pas de faire une petite collection à l'intérieur de ça. Tu brises mon petit cœur. C'est trop, ouais, mais tu peux pas tout avoir. Je le sais. Moi, je suis un complétiste dans ma tête. J'aurais pas le choix d'avoir littéralement tout ce qui a été physiquement disponible sur le marché dans le monde entier. Ah. Ouais. En tout cas, je peux continuer de collectionner pareil et je le sais que j'aurai jamais tout. Mais c'est pas grave. Ah, comment tu fais? En tout cas, continue. Je sais pas comment tu fais. C'est pas grave, je suis fait comme ça. C'est ça. C'est inexplicable. Voilà. Sinon, en fait, Nintendo a l'air de vouloir retourner à son ancienne mentalité de vouloir prendre des risques. Ouais. Donc, d'essayer quelque chose. On le sait que PlayStation et Xbox, ils vont tout avec des valeurs sûres. Oui. Donc, des et consoles... du copiage de ce que Nintendo fait. Oui. Kinect, Move, etc. Exactement. Enfin, ouais. Donc, on y va avec des valeurs sûres, des choses qu'on sait que ça va pogner, ouais. Des titres, de refaire des titres comme les Call of Duty Black Ops, Resident Evil. Bon, c'est ça, de toujours ressortir des valeurs sûres. On y va toujours, les consoles, ça va nous offrir des meilleurs graphiques. Ouais. Donc, Nintendo veut amener un nouveau concept. Mm-hmm. Ben, encore une fois, c'est ça, c'est eux qui innovent souvent avec l'écran tactile, avec le mouvement, etc. Exact, il faut que ça marche. Mais il faut, ben, la plupart du temps, je pense que ça a marché à date. Oui. La DS avec les deux écrans. Exact. Ça existe depuis super longtemps. Et ça a été des ventes aussi qui ont été incroyables. Oui. Donc, c'est ça. Ils veulent, évidemment, ils veulent essayer de faire une console peu coûteuse. Se ouais. dissocier des deux autres. Ça, c'est plus difficile parce que pour moi, moins coûteuse veut dire cheap. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Dans mon cas, moi, c'est pas obligé d'une console coûteuse. C'est une console qui peut supporter de bons jeux. C'est vrai. Parce qu'en tant que tel, la Wii U, au départ, était vraiment beaucoup, beaucoup, très, très, très trop chère pour ce qu'elle était. Là, le prix a baissé, c'est rendu plus raisonnable avec les jeux qui viennent avec. Tout ça, c'est vraiment raisonnable. Ça serait le fun s'il sortait la console à peu près au même prix que c'est présentement et non pas le prix lors de la sortie de la Wii U. Exact. Donc, j'avais-tu des cibles de prix ici? Donc... je veux juste être sûr. La DS et la Wii qui ont été lancées à 150 et 250$. Mm-hmm. Donc, ça a toujours été comme un point fort de Nintendo d'annoncer des consoles qui étaient inférieures au niveau du prix par rapport aux compétiteurs. Ça, c'est la Wii et la DS que t'as dit? Oui, la DS okay. et la Wii. Parce que la Wii U, en dollars américains, est sortie à 300$, donc 300, probablement 50 et plus, 350$ canadiens. C'est énorme pour une console mais c'est ça, de Nintendo. De Nintendo, c'est même ridicule. C'est ça, donc... J'ai payé pas pareil. Ouais, c'est ça, sauf que qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est justement retourner à peut-être retourner justement à ce qui avait fait le succès de la DS et la Wii à ce moment-là. Parce que le public, tu sais, moi je compare très très souvent, peut-être trop souvent, Nintendo à Apple, dans le sens que ses fans sont très très dédiés, c'est des fans de Nintendo purs et durs, comme les fans d'Apple purs et durs. Sauf qu'en même temps, Apple c'est plus luxueux, alors que Nintendo c'est plus familial, moins cher. On dirait qu'avec la Wii U, il avait essayé de faire vraiment, je trouvais la technique à Apple, vendre ça très très cher pour avoir un marché plus luxueux, mais c'est pas ce que ça donnait du tout. Non, effectivement. Sinon, juste pour la date de sortie de la console, ça pourrait s'enligner vers quoi? Là, on fait juste spéculer, mais au E3 en 2011, Nintendo a présenté la Wii U et la console a fait ses débuts en 2012. La 3DS a été annoncé en 2010, sorti en 2011. Mm-hmm. Le Nintendo DS a été annoncé en 2003 et sorti en 2004. Toujours un an plus tard. Toujours un an. Donc, si la NX est présentée au E3 2016, est-ce qu'on pourrait voir la console en 2017? Peut-être. C'est en effet très loin. C'est ça. Sauf que là, eux autres, ils disent que en même temps, ils veulent se dissocier de la lutte Xbox PlayStation, donc ne pas sortir la console en même temps que les deux autres. OK? Est-ce que ça voudrait dire qu'ils pourraient vouloir devancer la sortie? Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une annonce à l'été 2016 et une sortie pour les fêtes en 2016? Peut-être, hein? Ou est-ce que ça va être l'effet contraire, que là, ils vont l'annoncer cet été en 2016, mais on verra pas la console avant fin 2017, début 2018, parce que Nintendo va vouloir s'assurer d'avoir la console parfaite? Peut-être. Mais là, depuis quelques années, Nintendo est pas vraiment présent pour faire des conférences à l'E3. Ils sont présents pour qu'on puisse jouer à leur jeu, mais ils font un petit treehouse là, en ligne sur Internet, un petit peu plate, là, condensé, pas pareil comme les autres. J'ai hâte de voir s'ils vont, étant donné qu'ils veulent annoncer, en tout cas, présumément, veulent annoncer une nouvelle console, ce serait peut-être l'année où on pourrait se présenter sur scène comme du monde. T'sais. J'avoue. Ce serait le fun. T'sais. Et ce serait une très belle visibilité. Ben, oui, c'est ça qu'il faut, en fait. Ouais. Donc, en tout cas, c'est l'information que je vous ai amenée sur Nintendo NX. Je trouve ça quand même ça intéressant. Ouais. C'est beaucoup de rumeurs, puis de peut-être que, mais c'est, je trouve ça plaisant au moins de savoir qu'il y a de quoi qui s'en vient, que Nintendo travaille très fort pour corriger des lacunes du passé. Ouais. Revenir un joueur important. Donc, tu vois que, tu sais, pour l'instant, il n'y a pas de rumeurs sur la prochaine... Ben, tu sais, il y a des rumeurs sur la prochaine console portable, parce que là, on dit que la NX pourrait être la console portable et la console de salon en même temps. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir quand même une suite au Nintendo DS, ou peut-être, étant donné la vague de nostalgie, un retour vers le Game Boy, il y a des gens qui ont fait des mock-ups de Nintendo, de Game Boy, s'ils ramenaient le Game Boy de nos jours. C'est complètement fake, là. C'est beau, mais c'est fake complètement. J'aimerais si Nintendo pouvait s'en inspirer, ce serait cool. Mais ça fait longtemps qu'on dit que Nintendo devrait s'inspirer de beaucoup de choses que les fans font et demandent. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès des derniers jeux de Pokémon que Nintendo a présenté sur 3DS. Okay. Parce que j'ai lu un article, ça disait les fans écrivaient massivement à Nintendo pour demander telle affaire. Nintendo leur a donné. Mm-hmm. Les gens demandaient est-ce que Charizard soit changé pour de type dragon. Ben parfait, voici Charizard avec une forme méga qui a le type dragon. On voyait toutes des choses que Nintendo, après avoir reçu des messages massifs, ont toutes donné dans les jeux, les nouveaux jeux qui ont sorti, et tout d'un coup les ventes. Ben, c'est presque une promesse d'argent. Mais c'est ça. De la part des fans, s'il y a un mouvement derrière quelque chose, c'est comme Nintendo peut pas dire oh non, j'ai pas besoin de votre argent. Mais les fans restent les meilleurs critiques de tes jeux. Et je pense que si t'écoutes les fans, ça va être garanti d'un succès. Ils sont bons pour ça, je suis sûr que ça va être ça. Mais c'est ça. Ah, donc, en tout cas, moi j'espère que. Ben, des fois, l'orgueil, ça fait des drôles de choses. Ouais. Hein? C'est vrai. C'est ça, exactement. Dernier point que je vais amener pour conclure l'année, c'est parler des meilleurs jeux de l'année. À ton avis personnel? Non. Non, okay. Non, parce que, comme je te dis, je suis un maniaque de jeux rétro. Oui. Donc, il faut que je me fie à ce que les autres me disent. Ouais. Tu joues à aucun jeu récent? Aucun. OK. Oh. J'avoue que c'est rare moi aussi. Ouais, intéressant. Mais c'est ça. Je suis tout le temps en retard, ou sinon j'ai de mes amis qui vont me faire essayer des jeux. Mais ou sinon ça va être des jeux qui ont une inspiration rétro, comme tu sais les Donkey Kong Country Return. C'est comme j'ai joué beaucoup à Mario Maker. C'est récent, mais c'est vieux, c'est rétro. C'est ça. J'ai joué beaucoup à Mario Maker. Moi c'est mon jeu de l'année. Ah, ça va être malade. C'est malade. J'ai pas encore joué beaucoup. Ok. Non, je l'ai, mais j'ai pas encore joué tant que ça. Mais le Ukulele dont on a parlé il y a deux semaines. Tu vas peut-être jouer à ça, mais c'est un jeu clairement inspiré par le rétro. C'est sûr que oui. Et c'est ça. C'est ça. Il y a des exceptions. Les jeux récents, c'est quelque chose qui est graphiquement intense. C'est ça. Ce que moi, j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. Puis tu vas voir, je vais faire une petite critique de certains jeux. Là, que en fait, ça m'a levé le cœur envers l'industrie du jeu vidéo. Mm-hmm. Parmi les titres qui ressortent beaucoup, je vais passer, on va en nommer quelques-uns. Évidemment, tu m'arrêtes quand t'as quoi à rajouter. Okay. Non, mais... Ah, je fais jamais ça, t'interromps. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais on discute pareil. Et évidemment, les jeux que je vous dis là, vous avez des cadeaux à offrir. Ouais. Et vous savez que quelqu'un tripe vraiment sur les jeux vidéo. Les titres que je vais dire là, ça va évidemment donner de bonnes idées. Ils sont cadeaux. Tous disponibles pour genre 70$ et moins. Hein? c'est vraiment cher, les jeux vidéo. Ouais, effectivement. Ça m'énerve tellement, c'est bien trop cher. Mais bon, donc, The Witcher 3, okay. Wild Hunt, Fallout 4. Ben oui. Évidemment. J'ai Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mm. Ça, j'ai eu des très bons commentaires là-dessus. Bloodborne. Ah. Bloodborne. On était habitués avec des jeux où tu meurs tout le temps, là. Ouais. Ouais. Un titre que j'en parle. Ouais, ouais. Hey, c'est quoi? Hey, j'ai un blanc pour le titre. Ah, je te dirai pas là-dessus demain, je pense. Ah, hey, voir que c'est... Born to be blood. Ouais, c'est ça. Bref, c'est un jeu qui est vraiment, mais vraiment difficile. Mais il y a des gamers qui ont des tendances sado, que c'est vraiment leur genre de jeu. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Batman Arkham Knight. Ah oui, mais ça, tout le monde. Valeur tout le monde sûre. Ça, ben oui. Une autre valeur sûre que j'aime vraiment pas, Call of Duty Black Ops 3. Ah, ça, il y en a trop. On va se le dire. C'est d'en ça. Sortir un par année, c'est trop. Mais ça pogne. Regardez, c'est dans les top des ventes. Pourquoi ils en font, tu sais? Rise of the Tomb Raider. Ah, ça, j'aime les Tomb Raider. Steph, ma co-animatrice, m'a donné d'excellents commentaires sur ce jeu-là. C'est le fun parce que le plus récent Tomb Raider qu'il y avait avant, c'était Tomb Raider Go sur les téléphones cellulaires et qui a gagné plein de prix partout, mais c'était un petit jeu de puzzle. Donc c'est le fun de revoir Lara Croft dans un vrai jeu d'action avant ça. Effectivement. Halo 5, Guardians. J'étais un maniaque de Halo. Okay. J'ai hâte d'essayer le 5. On est rendu au 5? Non. Oui. Ah ben. Oui, oui. Ben, il en sort pas à la tonne. Non, hein? Sinon, c'est ça. C'est vraiment un... C'est mieux que les Call of Duty, d'en sortir un petit peu moins souvent, mais des meilleurs. Et au moins, Halo, il y a une histoire. Halo? Non, tu commences pas là-dessus. Ça veut venir. Ouais, malheureusement. C'est Halo, pas Hello. Je pensais te prendre par surprise. Ouais, c'est ça. Star Wars Battlefront. Ouais, donc, Battlefield, mais dans l'univers de Star Wars. Mais sur un front. Jouer complètement sur un front tout le long du jeu. Ce jeu-là m'a atrocement déçu. Okay. Je t'explique pourquoi. Et je fais le commentaire pour Star Wars Battlefront. Je fais le commentaire pour tous les jeux qui ont fait ça. Ouais. Pas de campagne solo, okay. Pas de coop, pas de multijoueur sur la même écran. Qu'est-ce qui reste, un écran start? Que de jeux en ligne. Ah, oh, bon, ok, ouais. Je déteste ce concept-là. Quand je m'achète un jeu, c'est pour y jouer seul ou en coop avec un ami. Ou trois ou quatre. Oui, c'est ça. Ou multijoueur comme ça, avec des gens que je connais, des gens qui vont pas m'envoyer promener. Et pas des gens qui vont jouer peut-être genre 55 heures par jour au jeu. Puis exactement. Que c'est complètement imbattable. On va s'amuser. C'est un peu, en 2015, je trouve que c'est un peu paresseux de sortir un jeu comme ça. Moi aussi, je trouve. Ouais. Sérieusement, là, Star Wars Battlefront, il pourrait nous mettre une belle campagne solo dans l'univers de Star Wars où on pourrait s'amuser de mettre des missions coopératives et le jeu se vendrait 4 fois plus. Ils ont du Battlefront autour de la tête. Oh! Titre de l'épisode, oh yeah! J'adore ça! Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Assassin's Creed Syndicate. Okay. C'est garanti de qualité. Mm-hmm. Je suis pas un tripeux de la série, mais sérieusement, pour la qualité historique du jeu, qualité graphique recréée. Professeur de l'UQTR, hein, exactement, ça, ouais. Qui ont travaillé là-dessus, ils ont amené leurs connaissances historiques. Mortal Kombat X. Ok, oui. Toujours aussi bien fait, les Mortal Kombat. Sérieusement, ça, c'est un jeu, regarde, tant mieux. On se tanne pas de jouer à ça. C'est toujours le même principe, les gens aiment toujours ça. On améliore l'expérience, c'est parfait. Il y a Minecraft Story Mode. Ah, ça me passe sans bière de sa tête, mais il y a tellement de gens qui aiment Minecraft. Ouais, ouais. C'est on va l'avoir sur Wii U. Oui. Oh, mais c'est sorti partout maintenant. Ouais. On en a parlé tantôt, Super Mario Maker. Moi, c'est ma sortie de l'année. As-tu joué beaucoup? Pas énormément, mais je l'ai pas encore acheté. Okay. Mais j'ai pu essayer en masse. Ils ont sorti plein de nouvelles options que j'ai hâte d'essayer. Oui, donc. Exactement. Ouais. On voit déjà des niveaux qui utilisent ces options-là. C'est parfait. Ouais. Just Cause 3. Ça a l'air que c'est excellent. Il y en a qui jouent, hein, mes amis. Donc, évidemment, le 2 a été bon et le 3 était très attendu. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Là, j'essaie de nommer des jeux plus connus. Là. Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Donc, ça aussi, ça a fait un peu choquer les joueurs de la façon parce que c'est obligé d'être connecté en ligne pour jouer. Ouais. Donc, même critique un peu que j'ai faite tantôt. Toujours les jeux de sport, les jeux automobiles qui sont très populaires auprès d'une certaine... certains membres... Il y a Guitar Hero Live, donc ramener ça. Ça a pogné. Sinon, il me restait... J'avais un autre jeu qui m'avait... Ah, ben oui. Yoshi's Woolly World. Ah, il semblait qu'il restait un jeu que je voulais nommer. Majeur. C'est ça, donc Yoshi's Woolly World, donc un beau succès sur la Wii U. Ah, que c'est le fun de jouer à ça, pour vrai. Si c'est votre genre de jeu, là, parce que c'est fait en laine, c'est malade, le fun. En tout cas, moi, c'est mon genre de jeu, puis je veux l'essayer bientôt. J'ai hâte de voir si c'est plus long que je pense, parce qu'à l'heure, je le trouve court, mais bon. Hein? Ouais, mais... J'ai pas fait le tour encore, fait que peut-être qu'il y a des mondes secrets. N'oubliez pas que c'est un jeu qui s'adresse pour un public plus jeune que nous autres. C'est vrai, mais très très difficile quand même par moment. Donc, attachez-vous vers la fin. Ouais, c'est ça. Sinon, surveillez beaucoup les fameux deals qui vont sortir sur Xbox, PlayStation et Wii U. On aime ça dans le temps des fêtes, faire des beaux package deals de la console, les manettes, des jeux. 600$, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais reste que quand même, ça vaut la peine. Ouais. T'achèterais les choses individuellement, tu paierais plus cher. Si c'est ça. Puis tant qu'à choisir un bundle avec une console, des fois, il y a des bundles avec différents jeux. Choisissez le jeu que la personne va avoir le plus tendance à aimer. Ou pour vous-même, je pense que vous le savez déjà, c'est celui avec Mario Kart, puis là. Mario Kart. Ouais. C'est le fun. Bah ouais, ben. Hein. Vite, hein. Hein. Mario Kart, classique. Vire à l'envers, hein. Ah ouais. Oh. Tu vires à l'envers, ça reste Mario Kart 8. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, ça me vire à l'envers, ces jeux-là. C'est ça. Dans le bon sens du terme. Bleu. Non, dans le bon sens du terme. Ok, excuse. Ça me chavire. C'est beau, une vraie chanson d'amour. Donc c'est ça, là j'ai nommé des jeux récents pour les fans de jeux rétro, évidemment. Il y a Yoshi's Woolly World, il y a Mario Maker, donc ça vous rejoint, évidemment. Sinon, Internet, hein? Acheter des jeux, okay, ça des fait, jeux ça? Rétro, ben oui, certainement. Donc regardez, il y a les boutiques Trois-Rivières, donc il y a Twinny Games, ouais, bien sûr. Évidemment Micheline au Câble-la-Madeleine, donc vous pouvez aller voir, il peut y avoir de très bons jeux rétro à vendre qui vont satisfaire les jeunes nostalgiques comme moi. Allez ailleurs que chez Vidéotron, là, mais... Ouais, ben, y en a, ben, Microplay aussi, y en a des pas chers, des jeux rétro. Québécois, ça. Ouais, je tu peux sais, aller voir ailleurs. Je sais, ouais. Mais quand même. C'est proche. C'est ça. Sinon, il y a Steam aussi. Oui, Steam. Il y a Good Old Games, GOG.com. Oui, exact. Génial, des sites où je commande régulièrement, donc Lucky Games, JJ Games, il y a DK Oldies, donc qui vendent des jeux rétro pas trop chers. Ouais. Donc, quelqu'un qui est vraiment accroché là-dessus. Puis, eux autres aussi ont leur spéciaux du temps des fêtes. Donc, il faut avoir des beaux bundles. Un vieux Nintendo, deux manettes avec les trois Mario pour 120$. Ah. Écoute, je trouve ça fantastique. Donc, cherchez. Sérieusement, il y a plein de belles choses. Et pour tous les fans de jeux vidéo, c'est parfait pour le temps des fêtes. Tellement. Je viens de lancer plein d'idées comme ça. Ah, oh, t'es fin, là. Ouais, c'est ça. T'es fin. ça deviendra ma liste dorénavant pour Noël aussi. J'ai vu toutes ces affaires. Oh, OK. Achetez-moi tout ça. Mathieu, il est preneur et vous savez où le trouver. Oui. Il est tout le temps à la radio. Sauf après le 22. Ouais, non, mais reste que... Ouais. Au pire, ils te le donneront en retard au retour. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de date pour ça, donner des cadeaux. Là. C'est pas une fête religieuse qui vont nous imposer des dates pour donner des cadeaux. Hein? Donc, Samuel Gérard, on t'écoute à Génie en Liberté pour une dernière fois ce jeudi. Oui. Ça passe samedi, donc c'est courant pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en rediffusion ou en direct. C'est ça. Donc, jeudi matin à 9h30 et samedi à 10h. Qu'est-ce qui se passe à l'émission cette semaine? On fait un petit spécial. C'est la dernière de l'année. Écoute, je voulais pas me casser la tête. On va être plusieurs personnes en studio. On va jaser, on va s'amuser. On va faire un petit quiz drôle. On va se remémorer plein de souvenirs des sessions passées, toutes sortes de choses. On va jaser avec toutes les personnes qui ont déjà tenu un moment ou un autre l'animation de l'émission. Donc, il va y avoir moi, il va y avoir Steph qui va être là, évidemment. James qui a déjà fait des chroniques et a animé 3 émissions. On va même avoir une discussion avec Jean-Seb qui a fait 2 sessions avec moi. Mm-hmm. Donc, écoute, ça va être festif. On veut vraiment finir ça de manière festive. Génial. Donc, jeudi à 9h30, samedi à 10h pour Génie Liberté. Et on te retrouve aussi sur Facebook pour les gens qui veulent retrouver tes émissions passées. Exactement. C'est la fin pour l'instant qu'on appelle. Exactement. Une fin pour l'instant. Pour l'instant. De Génie Liberté. Merci beaucoup, Samuel Gérard. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ça fait plaisir. Toi, on te retrouve au Mathieu Planchot dans un futur oui. Plus ou moins rapproché. On va avoir la chance de se reparler en 2016, je suis sûr et certain. Exactement. Merci encore. Donc pour l'instant, on écoute une petite chanson de chiptune et puis on se retrouve au retour avec Intervision au Mathieu Planchot. C'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Robert, la pièce Responsibilities Demo, précédée de TQ Jam avec Amonats, tirée du Random Chiptune Mix 18. C'est disponible sur assemblagerequis.com. Et maintenant, toujours Mathieu Planchot, c'est le moment de faire Television. Television. C'est Television, la chronique dans laquelle on parle de télé et de médias. Commençons au Québec avec Ramdam. Oui, Ramdam. Apparemment qu'il n'y aurait pas de discussion pour ramener Ramdam. Vive déception pour les fans de la série. Les internautes ont créé une page Facebook aux couleurs de l'émission avant-hier, lundi le 14 décembre, laissant croire qu'une suite de la série était dans les cartons. Je cite, « Les nouvelles vont bien. Télé-Québec évalue actuellement de manière sérieuse le taux d'intérêt des téléspectateurs pour un retour prochain de Ramdam au petit écran. Aimez-vous la famille, recomposez l'espérance, la porte carpentier. C'est le moment de vous manifester. manifester, avait-il écrit, le mardi 15 décembre. Toutefois, les modérateurs de la page officielle de Télé-Québec sont intervenus directement sous cette publication le mercredi 16 décembre pour remettre les pendules à l'heure. Je cite, « Nous tenons à préciser que l'information véhiculée par cette page non autorisée n'émane ni de Télé-Québec ni des tenants des droits d'auteur et n'est pas véridique. Il n'y a actuellement pas de pourparlers à propos de la série Ramdam. Une suite n'est donc pas envisagée pour le moment. Toute information officielle serait annoncée sur notre page. Peut-on y lire? Dommage donc pour les fans. Il y en avait 7000 en date d'il y a quelques jours. Plus de 23000 à avoir indiqué et 1000 messages. Et le pire, c'est vraiment qu'il y avait des sites d'analyse de télé québécoise qui étaient vraiment là. Bon, voici les points pour lesquels c'est certainement Télé-Québec qui a fait la page. Il y a le logo de Télé-Québec. C'est marqué par Télé-Québec. Ouais, mais n'importe qui peut mettre le logo de Télé-Québec sur n'importe quoi, ça veut absolument rien dire. C'est des photos de Ramdam prises par des fans. Quelqu'un qui peut avoir un certain talent en Photoshop va faire une page qui ressemble à du Télé-Québec, ça veut absolument rien dire. J'ai trouvé ça louche dès le départ. Pas que je suis meilleur que les autres pour détecter des faussetés, mais il y a tellement de faussetés que j'ai vues sur Internet à date que ça avait l'air d'une parmi tant d'autres. J'ai bien hâte de voir quand même. De toute façon, le projet de ramener Ramdam avait été amené par les acteurs de la série à un moment donné, donc peut-être que les acteurs vont passer par un autre chemin que Télé-Québec. En ce moment, c'est la chaîne Uni. UNIS qui rediffuse les premières saisons de Ramdam. D'ailleurs, ils viennent de se procurer les saisons, je crois que c'est 5 à 8, qui vont être diffusées sur les prochaines années jusqu'en 2017-18. Donc, peut-être qu'un retour éventuel pourrait se faire à Uni et non pas à Télé-Québec. On reste au Québec avec une série sur Jean Béliveau qui sera présentée à Historia. Une série dramatique inspirée de la vie du célèbre joueur de hockey Jean Béliveau sera présentée sur la chaîne Historia en 2017. La fiction qui traitera de la vie professionnelle et sociale de celui qui était surnommé le Gros Bill sera écrite par Jacques Savoie qui avait notamment développé Les Lavilleurs, la vraie histoire. Elle sera également réalisée par Patrice Sauvé qui est à l'origine de la série La vie, la vie ainsi que Grand Ours et produite par la boîte Pixcom. La série d'époque de 5 épisodes sera suivie d'un documentaire sur l'ancien capitaine du Canadien de Montréal. L'écriture des épisodes de 60 minutes est déjà commencée et le tournage se déroulera à l'automne 2016. On saura dans quelques mois qui interprétera Jean Béliveau et les autres personnages de la série. La série se concentrera principalement sur la vie de M. Béliveau entre les années 50 et 70, pendant sa carrière de joueur de hockey. On le verra à ses débuts à Québec avec les Citadelles et les As. Jusqu'à son passage avec les Canadiens. J'ai failli avoir l'air fou, hein? Slash, j'ai eu l'air fou et je me suis rattrapé. L'émission traitera également de sa contribution dans la création de l'Association des joueurs de la Ligue nationale, le syndicat des joueurs de hockey. Claude Rajotte perd son émission à Musimax. C'est une nouvelle assez frappante. Claude Rajotte qui anime donc sa dernière émission sur Musimax. L'animateur de Rajotte en ondes depuis l'automne 2011 en a lui-même fait l'annonce sur sa page Facebook. Celui qui a commencé comme VJ en 87 quitte la chaîne musicale après une collaboration qui aura duré en tout près de 25 ans. La direction du groupe V-Media l'a rencontré pour lui faire part de sa décision de ne pas renouveler l'émission en 2016. Je cite, je savais qu'il y avait des changements qui s'en venaient. On m'avait averti que ça irait jusqu'à la fin décembre et qu'ils allaient évaluer la situation après. Claude Rajotte n'a finalement pas été surpris par la décision de ses nouveaux patrons. Il s'est même senti soulagé. Je cite, c'est comme si on m'avait libéré d'un boulet attaché au pied. Depuis mon retour à Musimax, il y a eu 3 propriétaires, Astral, Bell et puis V. Depuis 4 ans qu'il est en stand-by, je continue la citation ici, on ne sait jamais trop ce qui se passe, il y a toujours des rumeurs. À cette période-ci, l'an dernier, on nous disait qu'il y aurait des mises à pied en mars, je travaille toujours dans cette ambiance-là qui n'est pas drôle. Au mois de mars dernier, l'animateur avait été épargné par la restructuration des chaînes musicales Musimax et Musique Plus, nouvellement acquises par le groupe V-Média. La direction de V avait alors annoncé la fin de la production interne de ces deux stations. 23 personnes avaient perdu leur emploi, incluant les VJ Maison, Monsieur Net et plein d'autres. Mais même ce Claude Rajotte en grande forme qui misait sur les nouvelles tendances musicales et les critiques d'albums dans un tout nouveau format n'a pas convaincu le groupe de conserver son émission. Claude Rajotte estime que la télé d'aujourd'hui est à la croisée des chemins. C'est un format de télé qui est en train de mourir, dit-il. Il faut être conscient de ça. Il n'y a plus personne qui s'assoit pour regarder des vidéos. Ces stations musicales n'ont pas su évoluer. Moi, j'ai fait ce que je pouvais pour renouveler l'émission. Je tente toujours de m'améliorer, mais il y a aussi des limites à ce qu'on peut faire. Depuis le printemps dernier, Musimax et Musique Plus ne sont plus tenus par le CRTC de produire exclusivement des émissions à contenu musical. C'est dans ce nouveau contexte que le groupe V-Media s'est mis à repenser entièrement la programmation de ces deux chaînes. Claude Rajotte donc animait sa dernière émission mardi soir. L'article date du 14 décembre, donc on est quoi, le 16? Et oui, c'est ça, c'était bien hier le 15 pour sa dernière émission. Présentement, il y a Lip Sync Battle, il y a Pop the Jam qui reste comme émission musicale. Quelques petites émissions, mais pour l'instant, ils vont rajouter des émissions de fiction, d'humour, des télé-réalités encore et encore et encore au contenu de Musique Plus. C'est bien triste à voir. Pour vrai, c'est même plate et aucunement intéressant à regarder, mais j'imagine que les codes d'écoute ont dû monter depuis les dernières années. Ce qui me surprend, c'est que VTélé le réseau que j'appelle dans le langage TVA Diète, en ce moment, VTL, diffuse des vidéoclips le matin entre genre, je sais pas si c'est 6h et 9h. Après ça, il y a une infopub, puis après ça, leur émission de nouvelles à 9h30 pour avoir le pire lead-in possible. Je les comprends pas. Si ça marche si peu, les vidéoclips, pourquoi est-ce que vous en jouez à V aussi? Je vous donne des reprises de, je sais pas, peu importe, là, rire et délire pendant 3h30. Pourquoi pas? Maintenant, on va à Radio-Canada avec du People, pas mal. Si vous trouviez comme moi que VTL était TVA Diète en ce moment, imaginez que Radio-Canada va avoir deux émissions par Éric Salvaille l'année prochaine. Fait que là, Éric Salvaille est à V, est à Énergie et est à Radio-Canada. Mais pas devant la caméra. Non seulement il n'est pas exclu qu'Éric Salvaille revienne à l'animation du Gala des Prix Gémeaux l'an prochain, mais il fait aussi son lit dans la grande tour de Radio-Canada à Montréal où il coproduira deux talk shows estivaux. Celui de Penelope McQuaid en semaine et celui de Jean-Luc Mongrain avec une nouvelle co-animatrice Marie-Soleil Michon le dimanche. Le diffuseur public qui portait ces deux rendez-vous sans aide extérieure a été séduit par l'énergie d'Éric Salvaille quand ce dernier est débarqué pour partager de nouvelles idées avec la direction des programmes. Les relations publiques de Radio-Canada avaient promis une grosse surprise à la veille de la conférence téléphonique, donc cacophonique et truffée de fous rires, disent-ils. Ce qu'Éric Salvaille avait bien compris, je cite, « Non, je ne suis ni Véronique Loutier, ni Marc Labrèche, ni Christiane Charette. Contrairement à l'an dernier, le rendez-vous en semaine et celui du dimanche auront des titres, des décors et des animateurs différents. Et les talk-shows seront réinventés, selon Éric Salvaille, qui poursuivra d'ailleurs l'animation de ses nombreuses émissions sur V, en plus d'élargir la portée de sa maison de production, Salvaille & Co. » Je vous sauve les détails, il y en a plein. Certains ont parlé de Mon Grain de Soleil pour l'émission avec Jean-Luc Mongrain. C'est ça? Ce n'est qu'une suggestion. Ça a déclenché un fou rire. Au Canada maintenant, le costumier de Radio-Canada est sauvé. Grand soupir de soulagement, le costumier de Radio-Canada qui accumulait la poussière depuis presque un an renaîtra dans un nouveau lieu dès le printemps. Sauvé grâce à l'initiative concertée de gens d'affaires et d'institutions publiques, le grand costumier élira domicile dans l'ancienne bibliothèque centrale de la rue Sherbrooke-Est, renommée l'édifice Gaston-Miron en face du parc La Fontaine à Montréal. Après avoir convaincu au printemps le Musée de la civilisation de Québec de récupérer les 143 costumes patrimoniaux, restait à trouver un endroit pour les 70 000 costumes et 20 000 accessoires toujours entreposés dans la Grande Tour. L'ancien entrepôt de livres situé à l'arrière de l'édifice Gaston-Miron, laissé à l'abandon depuis la fermeture de la bibliothèque, s'est vite imposé comme un endroit idéal. Radio-Canada a cédé gratuitement ses costumes qui seront loués aux compagnies de production de cinéma, de télé et de théâtre. Le grand costumier occupera 5 étages et on profitera de la présence d'étagères autoportantes, essentielles à la structure de l'édifice et impossible à déplacer. Des rénovations seront nécessaires. La Ville de Montréal investit 600 000 $, le ministre de la Culture et des Communications 100 000 et le secrétariat à la région métropolitaine 100 000 également. Cette opération sauvetage a entre autres été lancée par un groupe de producteurs formé d'Éric Salvaille, Guy Villeneuve et Louis-Philippe Drolet qui s'est uni à PME Montréal Centre-Ville pour la formation de cette entreprise d'économie sociale. Pour le reste des détails, assemblagerequis.com. Toujours au Canada, le Bureau de la télévision du Canada se dote d'un nouveau nom et d'un nouveau logo. L'ancien nom et logo de l'organisme dataient de sa création en 1961. La nouvelle identité de marque et le nouveau logo ont été réalisés en collaboration avec l'agence torontoise Frontier. Oui. Je cite, « Nous avons travaillé au développement de l'histoire de la marque et à la définition de son expression, ainsi qu'à la création du nom et du logo, afin de rendre compte de l'engagement inébranlable de l'organisme envers la promotion de la puissance de la télévision commerciale. » Think TV a pour mandat de promouvoir les avantages de la publicité télévisuelle auprès du monde du marketing. Comme ressource pour les annonceurs et les agences, l'organisation offrira des services, notamment dans l'éducation et la recherche de pointe, afin de stimuler la réflexion ainsi que de l'information tangible qui repose sur des données soigneusement sélectionnées. Think TV accueille comme nouveau membre Chorus Entertainment, d'ailleurs. Maintenant, on s'en va aux États-Unis. Tom Welling de retour à la télé avec Section 13. Le Superman de la série Smallville, Tom Welling, va effectuer son retour à la télé sur CBS dans Section 13, Section 13. En plus de défendre le rôle principal, il sera producteur de la série. Le scénario a été confié à Carl Kettner, qu'on connaît pour Bones. Section 13 est centré sur un agent de la CIA, joué par Tom Welling, reconverti en entrepreneur privé qui, à la suite d'une tragédie personnelle, va rejoindre une organisation clandestine spécialisée dans l'exécution de dangereuses missions. Depuis l'arrêt de Smallville en 2011, Tom Welling s'est consacré au cinéma. L'acteur a été à l'affiche de Parkland en 2013 et de repêchage l'année suivante, alors que Section 13 est prévu à l'antenne pour la saison 2016-17. NBC produira une version téléfilm du méga-succès Danse lascive. Donc, le réseau de télévision a indiqué qu'il produira une adaptation en trois volets d'une heure du film de 1987 mettant en vedette Jennifer Grey et Patrick Swayze. Cette fois-ci, le rôle de bébé sera tenu par la jeune actrice-chanteuse Abigail Breslin, découverte enfant en 2006 dans Little Miss Sunshine. NBC n'a donné aucun autre détail sur la distribution ni la date de diffusion du téléfilm. On ignore encore qui interprétera le rôle du beau jeune homme. Danse lascive raconte en chanson et en danse l'histoire d'une adolescente en vacances avec ses parents dans les années 60 qui tombe amoureuse d'un instructeur de danse du milieu modeste, joué par Swayze. La nouvelle version sera produite par Lionsgate TV. Sylvester Stallone ne sera pas de la nouvelle série de Rambo. Non, Rambo New Blood, série annoncée par Fox au début du mois, se fera finalement sans la participation de Sylvester Stallone, qui a déjà interprété le personnage principal à 4 reprises. Annoncé devant et derrière la caméra au poste de producteur, Sylvester Stallone a fait savoir au site Deadline.com qu'il restera finalement à l'écart de la série, mais rien n'indique encore si son départ pourrait enchaîner l'abandon du projet mis en route depuis quelques mois par la chaîne Fox. Mais difficile d'imaginer cette série centrée sur la relation tumultueuse entre John Rambo et son fils sans la présence de l'acteur. Sylvester Stallone a déjà joué ce personnage, un vétéran du Vietnam traumatisé par la guerre, à 4 reprises entre 82 et 2008. S'il reste derrière la caméra, il va probablement faire une petite apparition spéciale lors des mois importants des cotes d'écoute. Kiefer Sutherland va jouer le président pour ABC. L'acteur Kiefer Sutherland, star de la série 24 heures chrono, enfilerait l'habit de président pour la nouvelle série de ABC Designated Survivor, a-t-on appris sur The Hollywood Reporter. Le scénario serait écrit par David Guggenheim de Le Refuge, également producteur exécutif aux côtés de Simon Kinberg de X-Men. Designated Survivor évoque l'histoire d'un membre du cabinet, l'ensemble des membres de l'exécutif du gouvernement américain. Dernier maillot de la hiérarchie, il est nommé président après la mort de ses supérieurs lors d'une attaque. La série qui ne dispose pas d'un décompte d'épisodes est présenté comme un drame familial autour d'un thriller. Allons-y avec la BBC qui fait des expériences avec des émissions qui s'adapteraient au goût des téléspectateurs. Grâce aux services de streaming et d'appareils mobiles, nos façons de regarder la télé et le cinéma de plus en plus intime. Et maintenant, la BBC essaie de rendre ça encore plus personnel en personnalisant les émissions pour aller avec les goûts et les personnalités de chaque téléspectateur. Ça s'appelle Visual Perceptive Media, qui fonctionne en rassemblant les goûts musicaux des téléspectateurs et en leur posant des questions pour comprendre leur personnalité, tout ça via une application mobile. Et en utilisant ces données-là, ça peut personnaliser un film avec du montage particulier choisi pour vraiment combler les désirs des téléspectateurs. Donc, ça ferait que deux personnes qui pourraient regarder la même émission en même temps auraient des scènes différentes. Par exemple, la scène pourrait varier en termes de longueur. Certaines perspectives de personnages pourraient être priorisées versus d'autres. Les couleurs pourraient être différentes. La trame sonore pourrait changer par rapport à vos goûts. Donc, la BBC a déjà testé un projet similaire avec des émissions de radio basées sur l'endroit où était située la personne et l'heure de la journée. Et la nouvelle version visuelle est toujours en expérimentation. La BBC aimerait intégrer ça et rendre ça disponible au public. Présentement, il y a une petite capture d'écran sur assemblagerequis.com. Tu as le female bias et le male bias. Donc, on voit que dans la version pour les femmes, female bias, est-ce que ce serait un biais envers les femmes ou pour le public féminin? En tout cas, donc on voit une jeune fille passer, alors que dans le male bias, on voit une pièce salon. Je vois pas vraiment la pourquoi, mais bon. Ensuite, vous avez vu qu'on est rendu dans un bloc plus mondial. Les Guignols sont de retour à l'antenne. Après 3 mois de retard sur la rentrée, les Guignols ont fait leur grand retour sur Canal+, dans une version repensée par le nouveau patron de la chaîne, Vincent Bolloré, centré sur la politique au lendemain des élections régionales. Pour leur première diffusion depuis la reprise en main de la chaîne par l'homme d'affaires breton, qui avait envisagé cet été de les remplacer, les marionnettes ont collé à l'actualité avec des sketchs sur la famille Le Pen, les élections régionales et la COP21. Les célèbres marionnettes ne sont pas revenues sur les raisons de leur absence pendant laquelle les auteurs historiques ont été remplacés, le décor entièrement revu et la ligne repensée pour être plus internationale et davantage tournée vers le divertissement. Très franco-français, ce premier épisode de la 27e saison présentait des pastiches d'hommes politiques comme Nicolas Sarkozy, François Hollande, de sportifs comme Zlatan Ibrahimovic, d'animateurs comme Cyril Hanouna et Yann Barthes. Le présentateur vedette PPD, pastiche du journaliste Patrick Poivre d'Arvor, était également de la partie, entouré d'Élise Lucet, David Pujadas et Éric Zemmour. Mais la présentation du faux JT était assurée par deux journalistes inconnus parodiant BFM TV. Évidemment, des références très très françaises. Sur Twitter, l'accueil des premiers spectateurs était très mitigé. Mais bon, on va attendre de voir un petit peu si ça se développe avec le temps. Maintenant, on va sur Internet. Internet dépassera la télé pour devenir le plus grand média publicitaire en 2018. 4,7% de croissance pour les investissements publicitaires mondiaux en 2016. Zenith Optimedia a dévoilé ses plus récentes prévisions en matière d'investissement publicitaire. Selon les résultats de l'agence, à l'aube de 2018, l'Internet à 36,6% dépassera la télé à 34,8% en termes d'investissement publicitaire. Le mobile, quant à lui, va représenter la moitié à 50,2% du total des investissements publicitaires sur Internet et dépassera l'ensemble des médias, sauf la télé, à l'horizon de 2018. Zenith Optimedia prévoit une croissance de 4,7% des investissements publicitaires mondiaux en 2016, en progression par rapport à la croissance de 3,9% de l'année 2015. L'an prochain, les investissements publicitaires seront dopés par plusieurs événements sur les élections présidentielles américaines. Ça, c'est 3,2 milliards de dollars américains supplémentaires aux investissements publicitaires américains, notamment en télé et en Internet. Les Jeux olympiques d'été, avec 2 milliards de dollars américains supplémentaires, notamment en télé et en affichage extérieur. Et l'Euro de football en Europe à 0,9 milliards de dollars américains, concentrés sur la télé et l'affichage extérieur, principalement en Europe, mais aussi en Amérique latine et dans la zone Asie-Pacifique. Le reste des détails sur assemblagerequis.com. Netflix va doubler ses productions de séries originales en 2016. Le service américain de vidéos en ligne a l'intention de doubler ses productions de séries originales l'an prochain, selon le directeur des contenus Ted Sarandos. Les productions originales sont, avec l'expansion internationale, l'un des gros postes de dépenses de Netflix qui compte sur elles pour se différencier face aux services concurrents et attirer de nouveaux abonnés. Ils vont avoir environ 16 séries originales cette année, augmentation à 31 l'an prochain. Avec les premiers succès de séries comme House of Cards et Orange is the New Black, ils ont été capables d'augmenter l'échelle et de maintenir la qualité et l'enthousiasme pour les productions originales. On a aussi rappelé qu'en plus des séries, Netflix produisait également des films depuis cette année avec un objectif affiché pour l'instant de 10 titres, des programmes pour enfants et des documentaires. Le service de vidéos sur demande de Netflix est disponible dans plus d'une cinquantaine de pays et le groupe ambitionne être présent d'ici fin 2016 dans tous les pays du monde. Ted Sarandos a toutefois reconnu que cela n'allait pas sans difficulté, en particulier quand il s'agit d'acheter des droits de retransmission mondiaux. Justement, parlant de Netflix, Goldie Hawn, Diane Keaton et Bette Midler dans une série... Série? Non, film. Ah, c'est un film? Ah, c'est un film? Ça me tente pas d'en parler, c'est un film. Désolé, j'avais juste pas lu l'intérieur du texte. Par contre, ce que j'ai regardé, c'est un petit peu Nick Offerman et sa Yule Log, qui est bien meilleure que la Yule Log, la traditionnelle Yule Christmas Log sur vos appareils de câble, entre autres. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer cette célèbre bûche de Noël qui crépite sans fin? C'est en ajoutant du whisky et Nick Offerman, l'acteur de Parks and Recreation, celui qui joue Ron Swanson, apparaît dans une publicité pour le whisky Lagavulin qui le montre en train de rester assis et de boire du whisky pendant 45 minutes devant un feu. Évidemment, une parodie de Yule Log, où à un moment donné, ça finit par reboucler et revenir avec une bûche complète. Donc, c'est la même chose, mais en beaucoup plus fun. Si vous mettez ça sur votre télé, vous allez faire parler tout le monde, ça va être super drôle. Donc, 45 minutes de silence. de silence complètement brillant, dit Adweek. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est Nick Offerman's Yule Log. Et finalement, voir. Oui, on va en magazine parce qu'on n'a pas de chronique magazine. Malheureusement, voir qui devient un magazine mensuel. Le journal est mort. Vive le magazine, nous dit la presse. Près de 30 ans après sa première parution, le 27 novembre 1986, le journal Voir publiera son dernier numéro demain, le 17 décembre. La nouvelle n'est pas surprenante. L'hebdomadaire devenu bimensuel rétrécissait comme peau de chagrin depuis quelques années. Le journal faisait des numéros de 16 pages récemment, alors qu'il a déjà compté 176 pages et plus. À l'époque, 176 pages. C'est incroyable. Le Exclaim qu'on reçoit ici, assez fou, est un équivalent anglophone du Voir, si on veut. Et lui aussi fait de nombreuses pages, pas mal plus que 16. Ça fait un petit peu pitié. Bref. Je m'excuse. Je cite, « On était tanné de se faire parler de l'épaisseur du journal chaque deux semaines », dit le rédacteur en chef. Ce dernier a annoncé que l'entreprise qui gère aussi le site Voir.ca, le guide Resto Voir et la boutique Voir allaient publier un magazine mensuel gratuit à partir du 28 janvier. Ce magazine va compter un minimum de 76 pages sur papier glacé avec une nouvelle maquette, de nouveaux chroniqueurs, un nouveau logo. Oui, il n'y aura plus de mire dans le haut du Voir, probablement. Il aura son propre réseau de distribution. Il y aura deux versions, l'une pour Québec et l'autre pour Montréal. Ce qui me surprend, c'est vraiment surprenant qu'ils aient pas décidé de combiner les deux. Il me semble faire plus de pages avec l'actualité de Québec et de Montréal pour que les gens des régions puissent se le procurer et avoir les deux, vu qu'on est à distance égale de Montréal ou de Québec environ. T'sais. Très, très drôle d'idée. Bref. Je cite encore, dans le format actuel, nous sommes assis entre deux chaises, blablabla. On ne voulait pas annoncer tout bonnement la fin du papier. Il y a le web, les nouveaux médias qui permettent de diffuser des contenus riches d'une grande valeur, mais faut-il pour autant abandonner le format imprimé? Je suis convaincu qu'il existe un avenir pour le papier. Alors, c'était pas un mot important, finalement. Voir magazine contrat sur les chroniques de nouveaux collaborateurs. Monique Giroux à la musique, Émilie Dubreuil et Alexandre Taillefer. Michael Bergeron va signer une chronique sur la ville de Québec. Normand Baillargeon parlera société et philosophie. Il y aura des grands dossiers concernant les enjeux culturels, économiques et sociaux sous la plume de Jean-Philippe Cipriani et Catherine Perrault. L'un des premiers dossiers du magazine portera sur l'économie des médias locaux face aux géants mondiaux du web. Ils disent que leur concurrence, c'est pas la presse ni le devoir, ce sont les géants d'Internet, Facebook et Google. Selon le rédacteur en chef, il faut soutenir les médias nationaux et locaux. Donc oui, c'est certain que le premier voir, j'ai envie de voir ça. J'ai vraiment envie. Voilà, c'est tout pour Television Television et la chronique média qui l'accompagnait un petit peu. On va retourner entendre le chiptune de Noël un peu. J'ai choisi deux autres pièces. Commençons par une pièce qui provient de Dr. Octorok. C'est basé sur Castlevania, la série de jeux vidéo. C'est version Noël, donc voici Carol of the Belmonts, MPS. Le Mathieu Plante Show, assez fou! Une autre pièce de Dr. Octorok, c'était un hommage à Ninja Gaiden, la pièce Ryu the Red-Nosed Red-Nosed Ninja, avançant encore à Dr. Octorok et Carol of the Belmonts, inspiré de Castlevania, au Mathieu Planchot. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons par la nouvelle que j'ai mentionnée en intro, nos écrans en mode sommeil. C'est un article du Devoir. Le Devoir. La lumière bleue émise par nos écrans dérègle nos sommeils, nos cycles veille-sommeil et nos rythmes biologiques. Faudrait-il développer un mode sommeil pour nos écrans? On savait déjà, téléphone intelligent, ordinateur, tablette et liseuse électronique perturbent le sommeil. Une nouvelle étude menée par le docteur Paul Gingras de l'hôpital pour enfants Evelina à Londres rapportée par la BBC a démontré que la lumière bleue émise par les écrans inhibe la production de mélatonine, l'hormone qui assure la synchronisation du cycle veille-sommeil et la régulation de nos rythmes biologiques. Les nouveaux modèles de téléphones intelligents avec leurs écrans toujours plus grands, toujours plus incandescents, assurant une meilleure lisibilité, fait dans des conditions de grand soleil, diffusent la nuit une luminosité qui renforce l'état d'éveil et empêche de dormir. Et c'est pas parce que vous réussissez à dormir après que votre sommeil n'est pas quand même perturbé, l'effet du sommeil change. Le sommeil est réparateur, c'est bien connu. Lorsque nous dormons, nos fonctions ralentissent et notre cerveau se désintoxique. Lire un livre éclairé à la lumière d'une lampe de chevet a un effet apaisant, car les ampoules ont un rendement lumineux faible. En comparaison, la lecture d'un livre sur une liseuse électronique dont l'écran est rétroéclairé stimulera davantage le cerveau, rendant l'endormissement plus difficile. Aux États-Unis, il est estimé que 30% des adultes et 66% des adolescents sont régulièrement en manque de sommeil. Au-delà des conséquences prévisibles d'un lendemain de mauvaise nuit, comme l'état émotif, la baisse du pouvoir de concentration, la diminution des réflexes et la capacité à raisonner, rester éveillé peut provoquer des troubles graves de la santé. Sans les nommer tous, ils vont de la prise de poids au diabète à un risque accru de certains cancers aux accidents vasculaires cérébraux. Priver quelqu'un de sommeil est d'ailleurs une technique d'interrogation pour affaiblir un individu, nous dit Le Devoir. Le docteur Gingras estime que les fabricants devraient se responsabiliser et proposer une fonctionnalité mode sommeil qui pourrait être activée en fin de journée pour transformer la lumière bleue en une lumière jaune et rouge avec une baisse d'intensité. Il y a des applications pour ça sur Android. Sur iPhone, il y en avait une qui fallait passer par un petit bypass du système. Parce qu'en tant que tel, l'Apple nous permet pas de changer les couleurs du système. En attendant, on pourrait prendre sur soi et arrêter de consulter ses écrans bien avant d'aller se coucher et non à l'instant même où l'on éteint et l'on pose la tête sur l'oreiller, nous rappelle Le Devoir. Après 2 ans de recherche, une équipe française vient de mettre au point une technologie alternative aux batteries lithium-ion dans certains secteurs. Ce prototype fait appel au sodium, moins cher et plus abondant que le lithium et présente de bonnes caractéristiques, par exemple des charges et décharges rapides. Cette nouvelle technologie intéresse déjà les industriels, entre autres pour le stockage d'énergie renouvelable. L'idée d'employer du sodium dans les batteries remonte aux années 80. Elle avait été écartée au profit du lithium, très rapidement utilisé dans les tablettes équipant aujourd'hui les appareils électroniques portatifs comme les tablettes et les ordinateurs portables, mais aussi les véhicules électriques. Seul problème, mais de taille, c'est que le lithium est peu abondant sur notre planète. Avec la progression de ses nuages, de ses usages, pardon, le recours au sodium, voire au potassium, est de nouveau dans l'air du temps. Les équipes du réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie, co-dirigées par Jean-Marie Tarascon, portées par le CNRS, se sont tournées vers le sodium, 1000 fois plus abondant. S'inspirant des batteries lithium-ion, elles ont conçu des batteries sodium-ion dans lesquelles des ions sodium transitent d'une électrode à l'autre dans un milieu liquide au fil des cycles de charge et de décharge. Cette découverte, oui, intéresserait déjà les industriels, notamment ceux appartenant au réseau RS2E. La prochaine étape est d'optimiser et de fiabiliser les procédés en vue d'un futur déploiement industriel. Allons-y avec celui-là. Les diamants fascinent tellement l'homme que les chimistes entreprirent d'en fabriquer, tout comme les alchimistes avaient tenté de créer de l'or et réussir à synthétiser des diamants artificiels au cours des années 50, mais malheureusement pas dans les conditions ambiantes. Une prouesse désormais possible grâce à l'utilisation du laser. Le diamant se forme dans des conditions de température et de pression particulières, par exemple à 3000 degrés Celsius et 300 kilobars KBR. Ceci explique pourquoi il a fallu attendre les années 50 pour que les chimistes puissent produire du diamant artificiel. Il y eut bien des tentatives à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, comme celle de Henri Moisson. Elles semblaient d'ailleurs avoir été couronnées de succès, mais furent par la suite fortement mises en doute. La prouesse fut finalement accomplie le 16 décembre 1954 dans les laboratoires de la General Electric par l'équipe de Francis Bundy et Tracy Hall. Rétrospectivement, peut-être un peu surpris par la difficulté de l'entreprise. Après tout, les diamants sont seulement composés de carbone, comme un vulgaire morceau de charbon ou la mine de nos crayons de papier. La raison pour laquelle ils sont beaucoup plus durs et possèdent leurs célèbres caractéristiques esthétiques se trouve au niveau des arrangements des atomes de carbone visibles sur le schéma sur assemblagerequis.com. Il s'agit typiquement d'une illustration du phénomène d'allotropie qui, en chimie, en minéralogie et en sciences des matériaux, traduit la faculté de certains corps simples d'exister sous plusieurs formes cristallines ou moléculaires différentes. Les formes allotropiques du carbone présentes naturellement à l'état solide sur Terre sont le carbone amorphe et trois formes cristallisées, le graphite, le diamant et la lonsdaléite. Les chimistes savent en synthétiser d'autres en laboratoire. La plus étonnante jusqu'à présent était sans doute la nanomousse de carbone, découverte en 1997 à l'Université nationale australienne de Canberra par l'équipe du docteur André Rod. Elle provient de la vaporisation du graphite sous atmosphère inerte à l'aide d'un laser. Et jusqu'à récemment, la nanomousse était la seule forme allotropique du carbone possédant des propriétés magnétiques. Ces dernières années, il a toutefois été possible d'en aimanter d'autres. Remarquablement, des chercheurs de la North Carolina State University viennent d'annoncer qu'ils ont découvert une autre forme allotropique du carbone douée, elle aussi, de propriétés magnétiques. Baptisé le carbone Q, il s'agit d'un matériau ferromagnétique de nouveau synthétisé à l'aide d'un faisceau laser, comme il est expliqué dans un article publié dans le journal APL Materials. Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante, c'est qu'elle permet de produire du diamant à température et à pression ambiante d'une certaine façon. Le processus de fabrication commence par la déposition d'un film de carbone amorphe sur un substrat qui peut être du saphir, du verre ou un polymère. Ce film est ensuite bombardé pendant 200 nanosecondes avec une impulsion laser qui le porte à une température de 4000 Kelvin sous une pression d'une atmosphère. Celui-ci refroidit rapidement et donne un film de carbone Q épais de 20 à 500 nanomètres. L'étude du carbone Q en est encore à ses balbutiements, mais ce dernier apparaît déjà comme un matériau plus dur que le diamant, et en plus d'être ferromagnétique, il semble doué d'étonnantes propriétés électriques et optiques. Il est possible de lui faire libérer les électrons et même de la lumière, ce qui laisse entrevoir des applications pour l'électronique. Pardon encore. Une équipe de chercheurs lyonnais a mis au point un textile capable d'absorber certains polluants présents dans l'environnement grâce à une source de lumière LED, des fibres optiques pour la diffuser et un photocatalyseur. Des tests d'efficacité sur différents types de polluants comme les particules fines et les COV sont en cours. La mise au point d'un textile intelligent par une équipe du CNRS de Lyon pourrait signer une réelle avancée à la fois dans la qualité de l'air intérieur des habitations et dans la dépollution de procédés industriels. Avec un engouement de plus en plus prononcé pour la déco écolo, ce textile de nouveau genre pourrait trouver sa place aux côtés des plantes dépolluantes tendance pour habiller nos canapés, coussins, rideaux et couvertures. L'idée originale est d'intégrer dans un tissu à la fois des fibres optiques, des LED et un photocatalyseur, en l'occurrence du dioxyde de titane. L'innovation s'appuie en effet sur la photocatalyse, un procédé connu depuis les années 90 qui permet de neutraliser les polluants par une réaction catalytique déclenchée sous l'action de la lumière. Le secteur du bâtiment utilise déjà dans les peintures ou des bétons dits auto-nettoyants. Ce procédé chimique tenu secret qui permet la fixation du dioxyde de titane sur le tissu est élaboré dans le laboratoire de recherche et développement Brochier Technologies de Villeurbanne à Rhône. Voilà, c'est Brochier. J'adore quand je prononce en anglais sans faire exprès. Et donc, c'est fait une spécialité du tissage de fibres optiques pour des applications dans les domaines de l'éclairage, de la communication, de la sécurité, de la dépollution et du médical. L'équipe collabore avec l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon, donc l'IRS Lyon. À ce jour, la recherche continue pour tester l'efficacité du textile sur les différents types de polluants comme les particules fines. Dans le domaine industriel, le dispositif est actuellement testé sur le terrain pour traiter des résidus présents dans l'eau comme les médicaments et les pesticides afin d'éviter leur rejet dans la nature. 200 bateaux de pêche espagnols ont commencé à collecter des déchets plastiques récoltés en mer Méditerranée. Ce mois-ci, une usine madrilène va entreprendre et recycler pour en faire du tissu destiné à une marque de vêtements. Donc 5h du matin, au large de la Costa Blanca et de ses touristes endormis, trois chalutiers artisanaux sortent du port espagnol de Villa Joyosa pour s'en aller pêcher la sèche, la crevette gamba et la bouteille en plastique. Depuis quelques mois, les chercheurs de la communauté valencienne dans l'est de l'Espagne collectent systématiquement les déchets en polyester saturé. Donc le PET, là, on voit souvent le logo PET sur les contenants, c'est le polytéréphthalate d'éthylène, gisant en Méditerranée, bientôt recyclé en une collection de mode exclusive. Je cite... En juin, à Florence, en Italie, nous voulons présenter la première collection de mode réalisée avec du fil et des tissus issus des déchets du fond de la Méditerranée, annonce l'Espagnol Javier Goyeneche, 45 ans, président de l'EcoAlf, dont les doudounes ou sacs à doudounes, hein, ou sacs à dos sont vendus dans des magasins huppés tels Harrods à Londres et Bloomingdale's à New York. Cette entreprise madrilène lancée en 2010 se flatte déjà avoir créé une nouvelle génération de vêtements et d'accessoires à partir de bouteilles en plastique collectées sur terre, de vieux filets de pêche ou de pneus usagés. Le reste de l'article sur assemblagerequis.com. On parle toujours de plastique. Durant la COP21, négociateurs, journalistes et facilitateurs se retrouvent pour discuter dans un curieux zoo en plastique. Ce lieu de rendez-vous très fréquenté au Bourget est en effet peuplé de sculptures en PMMA, donc polyméthaclyrate de méthyle. Connaissez-vous cette matière aussi appelée l'altugla? Hein? En France, selon différentes sources, environ 20% des matières plastiques sont recyclées. On pourrait faire évidemment bien mieux en France, sans doute, mais les polymères ne sont pas si faciles à réutiliser. L'un d'entre eux, cependant, s'y prête particulièrement bien, c'est le PMMA. Pour polyméthacrylate de méthyle ou verre acrylique, plus connu sous ses noms commerciaux comme plexiglas ou encore altuglas à certains endroits. Ses propriétés sont connues, c'est une matière très transparente, 3 mm d'épaisseur laisse passer 92% de la lumière visible, qui peut donc remplacer le verre et qui arrête les ultraviolets. Plutôt costaud, il devient hublot pour bateau ou pour avion, feu arrière de voiture ou enseigne lumineuse. Le hublot du bathyscaphe Trieste et le nez transparent du bombardier B-17 étaient en PMMA, tout comme l'est la vitre du bassin de 10 mètres de profondeur de l'aquarium de la baie de Monterey, en Californie, épaisseur de 33 cm. Le PMMA est un polymère thermoplastique, c'est-à-dire une matière qui peut être reformée une fois chauffée. L'industrie... Ah, c'est ça, l'affaire. Je me rappelle, on a essayé de faire une fausse vitre chez nous pour l'air climatique du plexiglas. C'était pas du plexiglas, c'était avec... En tout cas, l'industrie le produit par exemple en plaque, par coulage ou par extrusion, et il est facilement coloré. Son recyclage peut se faire de deux manières. Le plexiglas peut être simplement fondu pour être ensuite reformé en autre chose. Par un procédé chimique, il est possible de décomposer les macromolécules pour obtenir les monomères, c'est-à-dire le métacrylate de méthyle. C'est pour cette raison que l'artiste Gad Vile, spécialiste de création pour des événements publics, s'est lancé dans la réalisation de ce zoo de silhouettes animales pour la COP21. Plane, transparente et colorée, ces 140 sculptures bidimensionnelles sont faites de deux plaques tenues par des entretoises. Leurs nuances reproduisent les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Ce bestiaire a d'abord été navigué sur la Seine avant d'arriver au Bourget. Le symbole est celui de l'Arche de Noé, donc la nature doit être présente au milieu même des négociations sur le climat, disait-il. Epson s'apprête à commercialiser une machine à recycler le papier destiné aux entreprises. La Paper Lab est capable de produire différents formats de feuilles et même du papier parfumé. Mais des interrogations demeurent sur sa consommation d'énergie et le type de produits chimiques utilisés dans le processus de recyclage. La poubelle qui accueille le carton ou le papier à recycler, vous l'avez tous sur votre lieu de travail ou dans votre bureau, nous dit Futura Science. Et si la prochaine étape, c'était d'installer l'usine de recyclage directement dans la salle d'attente pour qu'elle crache des feuilles de papier flambant en neuf à mesure que vous jetez les notes devenues inutiles. Le mot dans l'article, c'est « devenu ». Donc « devenu inutile » de la dernière réunion. C'est ce que propose l'épisode avec son « Paper Lab ». L'engin est tout de même imposant, c'est une véritable usine. Donnez-lui à manger suffisamment de papier à recycler, il pourra sortir jusqu'à 14 feuilles A4, donc ça c'est des 8,5 par 11 par minute. Le format de sortie peut également être configuré, vous pourrez jouer les alchimistes, oui, en transformant les post-it en un beau papier cartonné pour les cartes de visite. Le communiqué de presse annonce même qu'il est possible de créer du papier parfumé. À l'intérieur, la transformation se fait en trois étapes, qui ne nécessitent presque pas d'eau, tout juste assez pour garder le niveau d'humidité minimal requis pour la manipulation, suffisamment peu pour qu'Epson annonce avoir utilisé pour la première fois un processus de conversion sec. Peut-être la prochaine fois. D'abord, l'ogre transforme le papier à recycler en fibres de longs filaments qui seront travaillés à l'aide de deuxième étape pour leur ajouter une couleur particulière ou une propriété comme la résistance ou la brillance. Grâce à des substances chimiques, tout ça. Enfin, ces fibres augmentées vont être pressées pour être transformées en feuilles de papier. L'avantage écologique d'un tel engin n'est pourtant pas immédiatement perceptible. Epson avance que son outil n'utilise pas d'eau et qu'un bureau qui s'en équipe pourra demander au camion de la ville qui s'occupe de la collecte du papier de ne plus passer, réduisant ainsi les émissions de CO2. Néanmoins, il est permis de se demander combien cet engin va consommer, quelles substances il va utiliser pour créer son papier ou comment il se débarrasse de l'encre extrait des feuilles. La production industrielle du Paper Lab devrait commencer début 2016 et d'ici là, un prototype sera exposé à Tokyo dans les prochaines semaines, l'occasion peut-être de poser à Epson toutes ces questions. Le géant américain Google a déposé un brevet pour un petit appareil sans aiguille qui pourra rendre moins douloureuses les prises de sang quotidiennes de certains malades. L'idée développée par le laboratoire Google X permettra de prélever un peu de sang en piquant très légèrement la surface de l'épiderme et en aspirant une goutte de sang dans un petit compartiment sous pression. La quantité de sang nécessaire, par exemple, à un test de glycémie pour personnes diabétiques est infime. Cette nouvelle technologie permettrait donc à de nombreux malades d'effectuer cette opération quotidienne sans douleur. Une fois le sang prélevé, une smartwatch, montre connectée, pourra se charger d'analyser en temps réel le taux de sucre. Google aimerait à terme supprimer les seringues pour ce type d'opération récurrente, nécessitant qu'une petite quantité de sang, mais pour réaliser un bilan complet, les phobiques des aiguilles n'auront pas d'alternative. Ce nouveau brevet déposé par Google s'inscrit dans une démarche globale. L'entreprise s'intéresse de plus en plus à la santé. Elle a notamment déjà déposé deux autres brevets, des lentilles de contact permettant de contrôler la glycémie ainsi qu'une gélule détectant les cellules cancéreuses. On avait parlé de ça déjà au Mathieu Plante Show. Allons-y avec... on saute par-dessus quelques articles, comme toujours. Je vais y aller avec... Oui, un... Ben non! On va vous laisser le reste sur assemblagerequis.com. Il reste encore quelques nouvelles, je vous glisse les grands titres. Trois enfants opérés du cœur sans ouvrir le thorax, une sphère solaire plus forte que les panneaux photovoltaïques et l'alerte au pendentif radioactif, les liens sur assemblagerequis.com parce qu'il nous reste encore Scénix à faire. Donc allons-y avec du chiptune. On s'en va entendre l'artiste Hamburger Zorro. Oui, oui, Hamburger Zorro. Voici 3 Years au 89.1 FM, MPS, le Mathieu Plante Show. Techman Jump On. C'est produit sur LZJ et DMG. Ça arrête sexe, Tech Man et Jumpman. Oh, Mathieu Plancho, maintenant, c'est le segment Geek CLX. CLX, c'est les nouvelles informatiques, technologiques et jeux vidéo depuis les 14 derniers jours parce qu'on n'était pas en direct la semaine passée, c'était l'émission Best of de Chiptune. Donc commençons avec le Kicksoul, le smartphone qui se contrôle avec les pieds. Il y a des situations du quotidien où les pieds peuvent remplacer les mains lorsque ceux-ci sont prises, par exemple pour pousser un objet, fermer ou ouvrir une porte. S'inspirant de cette réaction instinctive, des chercheurs du MIT ont créé Kicksoul, une semelle de chaussure qui transforme certains mouvements du pied en commande pour piloter un smartphone, un ordinateur ou encore l'éclairage domestique. Tout le monde a un jour vécu cette situation-là, et donc Kicksoul arrive, le dispositif qui se compose d'une semelle de chaussure équipée d'un micro-ordinateur Arduino, d'un accéléromètre, d'un gyroscope à 6 axes et d'un système de communication sans fil Bluetooth. Le tout collecte et relaie les informations à des appareils domotiques ou des applications pour smartphone ou ordinateur. Comme on peut le voir dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com, Kicksoul permet notamment de commander l'allumage de la lumière d'une pièce, de zoomer sur un écran d'ordinateur, d'appeler une fonction spécifique dans un logiciel ou encore d'envoyer un document à la corbeille. L'équipe du Media Lab au MIT s'est aussi intéressée au contrôle sur les smartphones à grand écran que l'on a souvent du mal à piloter d'une seule main. Kicksoul permet alors d'activer un affichage réduit pour pouvoir accéder aux fonctions seulement avec le pouce. Amusant et bien vu, le geste du pied qui sert à rejeter un appel téléphonique pourrait s'avérer très appréciable pendant une sieste. L'idée est intéressante, mais le système est encore assez limité. Il demanderait à être un peu plus poussé pour offrir une plus grande variété de commandes, notamment en domotique. Pourquoi pas avec les deux pieds, par exemple? Certains téléphages apprécieraient peut-être de pouvoir zapper ou contrôler le volume en remuant simplement des chevilles. Le premier téléphone lavable au monde fait ses débuts au Japon. Fatigué de trimballer un téléphone intelligent fourmillant de bactéries, une compagnie japonaise dit avoir trouvé la solution proposant le premier appareil au monde qui peut être astiqué au savon et à l'eau. Les téléphones étanches existent déjà, mais l'opérateur télécom KDDI assure que son nouveau mobile baptisé Digno Raffray, lancé au Japon récemment, est le seul à apprécier les délices d'un petit bain moussant. Je cite notre équipe de développement, l'a lavé plus de 700 fois pour tester sa résistance. Désormais, fini les drames quand votre tendre rejeton fait tomber votre téléphone dans une assiette pleine de ketchup, un rapide lavage et il ressortira immaculé, si on en croit le film publicitaire de KDDI pour vanter les vertus de son appareil. Le gadget fabriqué par son compatriote Kyocera est proposé au prix de 234 $ américains, précisément destiné aux parents de jeunes enfants. Mais attention, il ne résiste pas à tout savon. Seuls certains types de produits à la consistance mousseuse feront l'affaire. Une start-up new-yorkaise entend peser à sa façon dans le sneaker game avec une paire de baskets de souliers donc, dont on pourra personnaliser à l'envi le design grâce à l'application mobile Compagnon. Le projet Shiftwear entend pousser à son terme la logique de chaussures personnalisées. À l'heure où toutes les grandes marques de sport proposent des services de consommation, de conception sur mesure, le principe, une paire de sneakers basiques en apparence dont les côtés sont constitués d'un écran à encre électronique couleur piloté à distance depuis son smartphone. Via l'application mobile dédiée, on pourra changer à la volée l'apparence de ses chaussures ou télécharger de nouveaux éléments de design et des animations offerts ou vendus au travers d'une place de marché. La paire devrait à terme être vendue aux alentours de 200 $ selon l'équipe new-yorkaise en charge du projet. Elle promet des chaussures résistantes à l'eau jusqu'à 5 mètres, lavables en machine avec une autonomie de l'ordre de 30 jours pour les fonctions de personnalisation. La recharge se ferait via un système sans fil et la durée de vie de la batterie devrait être optimisée via un système chargé de convertir une partie de l'énergie de la marche en électricité. Avec une liaison Bluetooth, basse consommation et un affichage à encre électronique qui ne consomme plus dès que l'image est statique, les besoins devraient se révéler limité. Shiftwear indique que ses souliers sont déclinés en trois versions, montante, médium et basse. Face au visuel contrasté utilisé sur la page du projet, reste une inconnue de taille. Quel sera le rendu réel? L'encre électronique consomme très peu du fait de son absence de rétroéclairage, mais délivre en contrepartie un affichage relativement terne qui n'a sans doute rien à voir avec des illustrations comme celles qu'on voit sur leur page web en campagne Indiegogo. Les premières baskets personnalisables de Shiftwear pourraient voir le jour d'ici la fin de 2016. Le projet a déjà dépassé le plafond initial de sa campagne, fixé à 25 000 $. S'il atteint 3 millions, Shiftwear envisagera l'intégration d'une couche tactile et de haut-parleurs sans fil, ce que je trouve absolument inutile. Parlant de sans fil, les guirlandes de Noël pourraient ralentir les connexions Wi-Fi. L'Ofcom, un organisme britannique indépendant centré sur les télécoms, vient de publier une étude mettant en rapport les plaintes des utilisateurs de connexion Wi-Fi et la mise en place de guirlandes décoratives des fêtes de fin d'année. Les interférences électriques seraient une cause importante du ralentissement des connexions Internet. Si votre connexion Internet sans fil est plus lente à l'approche des fêtes, c'est peut-être parce que vous avez trop de guirlandes électriques colorées chez vous. Cette observation de l'Ofcom, qui est l'organisme anglais qui vient de publier les résultats d'une étude réalisée auprès de foyers britanniques. L'étude en question révèle que le haut débit sans fil ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait dans près de 6 millions de foyers et de bureaux au Royaume-Uni. L'une des causes premières serait tout simplement un mauvais paramétrage de la connexion qui entraîne des ralentissements. Mais ce n'est pas la seule hypothèse mise en avant. Les interférences électriques causées par d'autres appareils sont également pointées du doigt. Le four à micro-ondes, le babyphone, ça c'est le petit appareil pour entendre le bébé, hein, ou encore une lampe peuvent perturber une connexion Wi-Fi. Durant les fêtes de fin d'année, la guirlande électrique qui accompagne généralement une connexion complète installée sur le sapin ou dans la maison est également pointée du doigt. L'Ofcom va même plus loin en affirmant que les plaintes des Britanniques auprès des fournisseurs accès à Internet augmentent considérablement durant la période des fêtes de fin d'année. Pour tenter de contrer les problèmes éventuellement liés aux guirlandes électriques et autres appareils, l'Ofcom conseille d'éloigner le routeur ou la boîte de télé des autres appareils électriques, quitte à les changer de pièce lorsque c'est possible. Redémarrer l'appareil peut aussi entraîner l'utilisation d'un canal Wi-Fi moins occupé. L'organisme profite de la sortie de ce rapport pour proposer aux Britanniques une application test de leur connexion Wi-Fi qui s'appelle le Ofcom Wi-Fi Checker, qui est disponible seulement au Royaume-Uni pour l'instant. Une équipe de l'Université de l'Oregon est parvenue à imprimer un circuit sur du papier en manipulant des nanoparticules. C'est une première aux débouchés nombreux. À l'heure de l'informatique portative, l'enjeu est grand autour des circuits miniaturisés et imprimés sur différentes matières. Jusqu'à présent, les techniques permettant de jouer avec des nanoparticules impliquaient des mouvements induits par des températures importantes qui pouvaient endommager les surfaces de dépôt. Les chercheurs ont trouvé une réponse à ce problème via un procédé de frittage photonique utilisant une lampe au xénon. Une technique qui permet, d'après l'équipe, une fabrication deux fois plus rapide et 10 fois moins coûteuse en énergie. La température inférieure induite par la lampe au xénon est la clé de ce procédé puisque grâce à elle, il est désormais possible d'imprimer des circuits sur des matériaux comme le papier ou le plastique qui auraient fondu ou pris feu auparavant. Cette découverte publiée dans la célèbre revue Nature est une avancée majeure. L'utilisation de substrats peu onéreux devrait permettre d'améliorer le coût des circuits ultra fins. De nombreuses industries sont concernées dans le domaine du biomédical comme dans celui des capteurs en tout genre. Après la voiture autonome, la voiture dirigée par le cerveau du conducteur, une équipe de chercheurs chinois travaille actuellement sur un véhicule contrôlé par l'esprit. Sans les mains, sans les pieds, mais avec le cerveau, des chercheurs chinois de l'université de Nankai, située dans la ville de Tianjin, ont mis 2 ans à concevoir une voiture qui se dirige via le contrôle mental. Le conducteur est équipé d'un casque qui analyse l'activité neurale et permet d'avancer, reculer, arrêter la voiture ou encore la verrouiller et la déverrouiller, le tout sans utiliser les mains et les pieds. Interrogé par Reuters, le chercheur Zhang Zhao explique que le système intègre 16 capteurs qui capturent les signaux du cerveau du conducteur par le biais d'un électroencéphalogramme. Les signaux sont décodés par un programme informatique capable d'isoler les informations pertinentes et les traduire en commandes du véhicule. L'objectif des scientifiques n'est pas de proposer un véhicule entièrement pilotable par l'esprit, mais de proposer une combinaison d'autonomie de la voiture et de l'analyse des intentions du conducteur. Le développement des voitures sans conducteur peuvent nous apporter des avantages, disent-ils, car nous pouvons concevoir au mieux des fonctions de contrôle par le cerveau en les associant aux plateformes de véhicules autonomes. Au final, les voitures, qu'elles soient ou non autonomes, sont au service des gens. Les intentions du conducteur doivent donc être connues. Avec notre projet, la voiture servira mieux l'humain. À ce stade, la voiture contrôlée par le cerveau est loin d'être prête à quitter les pistes d'essai puisqu'elle ne peut pas tourner, par exemple. Les chercheurs n'ont pas non plus de projet concernant la production de véhicules embarquant ce système, mais comptent travailler de concert avec d'autres acteurs de l'industrie dans les années à venir. Le New York Times se met à la réalité virtuelle pour ses reportages. Oui, depuis plusieurs semaines, le New York Times propose sur son compte YouTube des reportages à 360 degrés que l'on peut visionner avec un casque de réalité virtuelle, l'occasion de découvrir de l'information sous un angle plus large. Les attentats parisiens du 13 novembre ont fait le tour des médias du monde entier et partout les images des étendues de bougies ont été diffusées au sein de reportages mettant en avant le recueillement et les témoignages des Parisiens. Le New York Times a lui aussi couvert l'événement mais a choisi un format différent en vidéo, celui du reportage 360 qui embrasse la technologie de la réalité virtuelle. C'est par le biais de son compte YouTube que le média diffuse ses premiers reportages. Dans celui dédié aux attentats parisiens nommé Paris Vigil 360 Video, on peut découvrir le recueillement de la population, l'opération câlin de confiance d'un jeune musulman, les yeux bandés à République, les rassemblements et une multitude de témoignages. Durant un peu plus de 5 minutes, on enchaîne les plans séquences dans lesquels on peut piloter la vidéo à 360 degrés ou tourner la tête si on utilise un casque. Normalement, ce type de reportage, où l'image est enrichie par les témoignages en voix hors champ et montée avec de nombreux plans, ici, on trouve de multiples informations dans une image unique et il faut chercher. Un constat d'autant plus vrai lorsqu'on utilise un casque de réalité virtuelle, y compris un Google Cardboard, pour visualiser les reportages. L'article de public.com nous demande « Mettre le spectateur au cœur de l'événement équivaut-il à le mettre au cœur de l'information? » La question se pose. Hey, on a réussi à passer au travers de Cénix. Je pensais qu'il y en avait plus long que ça, mais j'ai fait un méchant bon tri depuis la dernière pause musicale. Justement, prenons-en une autre petite pause musicale. On va entendre deux pièces de suite. Pour commencer, il y aura Format avec Out of Memory. Et après ça, ça dure genre 40 secondes. Là. Et après, ce sera Yuki Kakushi avec My Mixer. Mais pour l'instant, Format, MPS, le Mathieu Plante Show, c'est fou. Takushi et My Mixer, précédé de Format avec Out of Memory. Une chanson qui a fini sexe, celle-là, tantôt. Tiens, justement, parlant de finir sexe, c'est de même qu'on doit arrêter le Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve en janvier, les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Il va y avoir une émission de musique de Noël pendant les fêtes dans la même case horaire. Donc, moi, je ne serai pas là, mais vous serez à l'écoute. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 jusqu'au lundi 21 décembre. On va être en onde pendant toutes les fêtes, mais avec des émissions de meilleurs moments. Donc, soyez à l'écoute quand même. Et les palmarès, c'est fou les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante ainsi que Samuel Girard. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye! Boom!